êtes à Sifu pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Dominique, notre Mavungu, nous mettra au goût du jour sur ce qui se passe en Afrique. Et Samuel Forte nous fera une première et une dernière chronique en même temps. Il est si positif. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, ce lundi 24 avril 2017, à 3 jours et demi, 4 à peu près de la fin de l'année scolaire. À peu près. Ouais, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de Sifu à Trois-Rivières. Quand je dis 3 jours et demi, là, c'est parce qu'il reste 3 jours. Tu as dit 4 jours et demi en fait. J'ai dit 3 jours, 4 jours et demi. Okay, ça dépend du calcul parce que techniquement, il reste 3 jours et 16 heures avant qu'il soit minuit vendredi matin. C'est ça. Tu comprends, mais là, vendredi, il y a des gens qui ont des cours quand même. Exact. Fait que j'essaie d'englober tout le monde. Ouais, pas pire. En fait, il en reste comme 4 jours, peut-être même 5 si on compte aujourd'hui. Exact. Ceux qui sont pas encore sortis de chez eux, il reste 5 jours. Pour nous, il en reste 4. Il en reste 3. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Nous, on compte pas aujourd'hui. On est là. Absolument. Donc, il reste 3 autres jours après. On termine jeudi matin, la dernière émission. C'est ce que ça veut dire. Et c'est vous, ça. On connaît pas votre horaire. Fait que ça, non. Hein? Bon. Donc, aujourd'hui, l'émission, Tania, on va avoir le retour et la fin de la chronique de Dominique Nodmavungu qui vient nous parler d'Afrique, dans Voix d'Afrique. Lui qui a fait quelques chroniques depuis le début de l'hiver. Oui. On va s'ennuyer de lui pour l'été. Mais oui, en effet. Donc, ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, quelqu'un qui me titille pour avoir une chronique depuis un bout de temps, mais qui ne l'a jamais vraiment fait. C'est vrai. C'est une première et une dernière. il m'a écrit en fin de semaine, je crois, bon, mais finalement, j'aurais jamais pu faire de radio avec toi. Parce que tu vas étudier en théâtre. C'est ça. J'ai dit sûrement que la dernière semaine de cours, il n'y aura pas grand monde qui vont venir faire la chronique. Fait que tu peux venir. Donc, il vient aujourd'hui à 8h30. Exactement. C'est le fun, ça. Oui. On aime ça. Ta collègue s'en vient, Tania Esgonel. Tania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vais vous parler d'un concept qui était très connu un petit peu ailleurs dans le monde avant, mais qui devient de plus en plus connu en Amérique du Nord. C'est tout ce que je vais vous dire. La prostitution. Mais... oui, exact, c'est ça. Je vous parle de prostitution ce matin. Cool. Non, du tout. En fait, je vais vous parler d'un concept style musical, pas mal plus. Vous allez voir. Intéressant, ouais. Tania Esgonel. Tania, d'ici la fin de l'émission. Alors, on va commencer avec du site un fait dans quelques instants. On n'a pas appris de choses en rafale depuis un bout. Donc, c'est un fait, s'en vient. Mais avant ça, on a dit qu'il restait 3 jours et demi, 4 jours, 4 jours et demi, on sait pas trop. Vers quoi est-ce qu'on compte? Est-ce qu'on compte vers le 7 juin? Oh, je sais pas, hein? On devrait peut-être. Les nombreux 7 juin de Gabriel Noël featuring Lydia Kepinski. Ou Lydia Kepi. Comme ça vous tente. Ça dépend comment il est écrit. On est à Assemblage Rock. Ou, on coupe des syllabes, nous autres. C'est ça, exactement. Ouais. La petite lumière, on n'est pas encore perdu. Nos corps ne sont pas repus. On n'est plus là, mais on n'est pas parti non plus. On est roi et reine d'une bulle, d'un royaume de cellules, de souffles qui perlent et qui pullulent. Plus de draps pour nous retenir. Je me noierai bien de toi. Gabriel Noël avec les 7 juin featuring Lydia Kepi à Assemblage Rookie. Mes écouteurs sont tout seuls, j'avais de la misère à les mettre. Oui. Ça arrive, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Oui. Est-ce que tu te rappelles qu'on a une chanson thème pour C'est un fait? Oui, on a une chanson thème pour C'est un fait. Chantons-la ensemble. En effet. Voici C'est un fait. Ah, c'est vrai, faut chanter là-dessus. Hein? Ouais, oui. Je me souvenais pas. Attends, je me souviens plus des paroles. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. Faut qu'on chante pas ensemble comme Lydia. Ok, c'est ça. Ok, c'est. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, bien sûr. On commence avec quelque chose qui nous a fascinés pendant un bon bout de temps. On a parlé un petit peu, en bref, je me rappelle, il y a quelques mois, sinon plusieurs mois, Tania et moi, sur le fait qu'on ne pouvait pas manger de nos célèbres fruits préférés. Là. C'est vrai? Est-ce que tu te rappelles le fruit préféré dont je parle? Non. Quand on a des médicaments. Les bananes? Non. Non, hein? Ben non, les pamplemousses roses! Ou les pamplemousses roses, c'est vrai! Voilà! donc, on sait qu'on ne devrait pas, mais on ne sait pas pourquoi. Ou des gens qui ne savent pas du tout, ça arrive. Donc, pendant qu'on prend des médicaments, ça arrive. C'est une question d'enzyme. Une enzyme en particulier qui est le CYP3A4, qui aide ton corps à absorber différents médicaments. Donc, le pamplemousse, Citrus X paradisi et son jus contiennent quelque chose de chimique à l'intérieur qui peut interférer, faire interférence avec le CYP3A4. Et l'empêcher de faire son travail correctement. Donc, dépendant du médicament, ça peut faire que ton corps va garder trop du médicament, ce qui pourrait mener à une surdose, ou encore pas assez, ce qui va faire que votre médicament va être inutile. Tu comprends? Ah, c'est ça. OK, je comprends. Voilà. Donc, allez voir, il y a un petit graphique pour vous montrer ce que ça veut dire sur assemblagerequis.com, mais maintenant, vous savez pourquoi. Il y avait une série de bandes dessinées sur la réparation des dommages collatéraux causés par des super-héros et super-vilains. Ah, oh, c'est pas pire, ça. Ça s'appelait Damage Control. C'est génial comme idée. C'est vraiment bon parce que c'est vrai, hein? Tu te dis, ah, c'est fun d'avoir un super-héros. Mais avez-vous déjà regardé un film de Superman ou de Spider-Man? Ça fait des dégâts. Léger petit dégât. Qui paye? L'État, genre? Et voilà. Donc, c'est une Damage Control est une compagnie de construction fictive dans Marvel Comics qui se spécialise en la réparation des conflits entre les super-héros et les super-vilains. Donc, allez voir Damage Control. Il y en a plusieurs numéros, au moins, parce que j'en vois au moins deux ici. Alors, c'est une bande dessinée complète où, où on essaie de trouver comment réparer les problèmes de différents méchants et différents gentils. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ah, il y a aussi une genre d'histoire là-dedans où il y a des gens dans cette compagnie-là qui essaient de passer à travers toutes les entourloupettes du contrat d'assurance des Fantastic Four. Ah, OK. Allez, bon. Ensuite, les Simpsons reçoivent le crédit pour avoir popularisé le mot « mais ». Mais. Mais. Mais. On a enquêté sur l'étymologie du mot « mais ». On a découvert que ça avait des origines yiddish, c'est chez les Juifs. Okay. L'utilisation du mot « mais » comme mot pour exprimer son indifférence est arrivée le 9 juillet 1992 sur Usenet, ça c'est des forums de discussion, qui se plaignaient au sujet de l'émission Melrose Place. John Swartzwelder a été crédité pour avoir amené pour la première fois le mot « mais » dans un script des Simpsons. Ah ouais? Ouais. Donc peu importe son origine, c'est devenu un des 20 mots qui ont défini les années 2000 selon BBC News Online. Je ne savais point. Mais ensuite, les chercheurs veulent recréer ce qu'une librairie, une bibliothèque à New York sentait en 1906. Oh, c'est cool ça. Les historiens aimeraient savoir de quoi ça avait l'air il y a 100 ans. Et s'ils ont de la chance, ça pourrait bien fonctionner. Donc on essaie de déterminer la senteur, l'odeur. C'est les chercheurs de la New York de la Morgan Library and Museum de New York qui essaient de documenter donc les arômes qui remplissaient la bibliothèque John Pierpont Morgan Library lorsque c'est ouverte en 1906. On dit donc que pour amasser les odeurs, on utilise ce qu'on appelle la technologie du headspace. Donc, on place une cloche de vitre sur les pages d'un livre qui date d'il y a 100 ans. Et en utilisant une aiguille de cire, on est capable d'échantillonner l'aura chimique du livre sans lui causer de dommages. Ah, ouais. Vraiment cool, hein? C'est fou, ça. Ouais. Ils ont aussi analysé le foyer du musée. Et puis, des vieilles boîtes de cigares. Et des trucs comme ça pour, copier l'odeur. Ensuite, c'était le mois de l'histoire des femmes récemment. C'était quoi ça au mois de mars, je crois, Marc? Oui. C'est ça? Si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que là, la marque d'essuie-tout Brownie? B-R-W-N-Y? Non. Il y a un garçon, un jeune homme viril, là, tout le temps, un genre de bûcheron sur le dessus des paquets. Ah oui, maintenant que tu le dis. De Brownie. Donc, on a remplacé, pendant le mois de l'histoire des femmes, on a remplacé le monsieur Brownie par la madame Brownie. Ah, c'est si bien passé. Simple comme ça. Ensuite, En 2001, des gens de Delhi, en Inde, ont dit avoir vu une créature qui ressemblait à un singe qui apparaissait la nuit et qui attaquait les gens. Les témoins oculaires ont décrit qu'il avait environ 4 pieds de hauteur, qu'il était couvert de poils, qu'il avait un casque de métal, des griffes de métal, des yeux rouges brillants, hein, comme la lumière, et 3 boutons sur sa poitrine. Certains gens disent avoir été graffinés par ce singe. Deux sont morts de panique, mais l'homme singe n'a jamais été retrouvé. Oh, c'est triste. Pas de résolution à cette histoire-là? Mais non. Ça fait peur? Ben oui. Il y a un champignon qu'on trouve seulement à 2 endroits bien spécifiques, au Texas et au Japon, à 6800, 1000 ou 11000 km de distance. Hey boy! Seulement à ces 2 endroits-là. C'est bien bizarre. Je sais pas s'il est délicieux ou même comestible. Je sais pas, hein? Ça en parle. S'il y en a juste 2. S'il y en a non, 2, j'imagine que c'est 2 espèces. Ouais, j'espère. 2 champignons. Il y a un champignon qu'on trouve. Ben, j'imagine, ça le précise pas si c'est ouais, un c'est seul ça. Champignon. D'après moi, ça doit être une espèce. Ouais, j'espère. Ensuite, on a eu des discussions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, où chaque pays essayait d'avoir le plus gros drapeau sur la table. Mais si oui, la Corée du Sud amenait un drapeau plus gros sur la table, la Corée du Nord avait pas le choix d'amener un plus gros drapeau à la prochaine réunion. Et ça s'est terminé quand les deux pays ont décidé un standard pour leur grandeur de drapeau. C'était neutre. Tout le monde, la même grandeur. Franchement. Les deux prisonniers, le dernier prisonnier de guerre de la Deuxième Guerre mondiale à être rapatrié était un soldat hongrois qui était assis dans un hôpital pour les personnes avec un problème mental en Russie pendant 53 ans avant qu'un expert en langage nous apprenne qu'il ne disait pas n'importe quoi. En fait, il parlait d'une vraie langue, ça dit pas laquelle, mais on pensait qu'il disait n'importe quoi parce qu'il était fou. Ah, mon Dieu. Imagine, pendant 53 ans, ben ouais. Ça a été long. C'est très long. Quelqu'un dit, on pourrait enquêter là-dessus. Ouais, c'est ça. Red Bull a été créé en Thaïlande en 1976. C'était une boisson énergisante pour les chauffeurs de camions. Ah! Ben, ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. Pour rester debout, pour faire d'accident. Hein? Exact. Mais je dirais, allez-vous coucher à la place de prendre un... Tu sais, fais un petit arrêt. C'est ça. Petit power nap. Est-ce que t'aimes les filets de poisson dans les fast-food? Non. Non. Chez McDonald's, ils ont le filet au fish, le filet de poisson. Oui. Qui a été inventé pour que les catholiques puissent manger du McDonald's les vendredis. Vous n'avez pas le droit de manger. Ah. Ben, c'est pas fou comme idée, mais non, j'aime pas tant. Non. Moi, on dirait que... Ouh. Au moins, tu sais qu'il va être frais. Parce qu'il n'y a personne qui commande ça. C'est congelé. Ben, c'est ça. C'est congelé. Oui, ben, tout est congelé. Fait que le poisson congelé, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Ah ouais. Ouais. Mais le bœuf congelé, ça te dérange pas? Non. OK. Ça se peut. Ça le doit. Ouais, c'est ça. T'as le doigt. En 2001, les travailleurs... Ouais, c'est plus à mode, cette histoire-là. C'est 2001, ça, c'est passé, là. C'est revenu, par contre. les travailleurs... en 2001, les travailleurs sont devenus propriétaires ou ont commencé à prendre la place dans une usine qui était en difficulté après que leur employeur ait refusé de leur fournir de l'argent pour voyager. Donc, pour le transport. Et ils ont laissé l'entreprise quasiment morte. Donc, les employés ont décidé de reprendre l'entreprise et ils se sont fait de nouveaux clients, ont payé les dettes de l'usine, ont augmenté leur propre salaire et l'usine continue aujourd'hui en tant que coopérative. Bien sûr. Ford, on dit qu'ils ont ont tranquillement accéléré la ligne de production des voitures, la compagnie Ford, jusqu'à ce que les travailleurs ne soient plus capables de continuer. Des syndicats ont été formés en disant que les vitesses de ligne de production ne pouvaient pas changer à moins que tout le monde soit d'accord. Donc tout le monde reste dans le même domaine du syndicat et de la coopérative. Alors qu'il était aux toilettes, le président Carter, président américain, a appuyé sur un bouton de panique secret, pensant que c'était le bouton pour flusher la toilette. Oh non! Et les services secrets ont répondu en entrant dans la pièce alors que le président était en train de zipper ses pantalons. Ça me fait penser à l'hôpital, tu sais, la corde d'urgence. Oui, exactement. Certaines personnes doivent penser que c'est la flush. C'est clair que oui, c'est clair, c'est déjà arrivé. Surtout quand tu deviens sénile un peu, genre, ouais. À la fin de ta vie. Ou tu sais, t'es vraiment sur les gros médicaments. Oui, là. Des illusions. C'est ça. Ce miracle. Puis là, dans ta tête, ça dit « tire sur la corde ». Tire sur la corde. En 1956, un magicien faisait son célèbre tour de couper une personne en deux avec sa femme pour une performance à la télé. Aussitôt qu'elle a été divisée, entre guillemets, l'animateur a terminé l'émission. Les gens trouvaient ça horrible, pensaient qu'elle avait été tuée. Mais c'est juste parce qu'ils avaient manqué de temps pour la diffusion en direct. Tu sais, quand une émission de télé doit finir à 21h, ouais, mettons. C'est là. Ça, hein? Et puis là, le tour est pas terminé, le générique est en train de rouler, il pense que le gars, il pense qu'il a le temps. Finalement, il n'y a pas le temps, là, le téléjournal commence, ou je sais pas pourquoi. Ben ouais, mais là, faut laisser finir le truc, c'est mais l'idée oui. de l'émission, c'est le punch à la fin. C'est pas fort. Franchement. Pas fort. C'est de la faute à Céline Galipo. Exactement. La reine Marie d'Angleterre, Queen oui. Mary of England, s'est fait donner une maison de poupée à l'échelle de 1 pour 12, donc un douzième, c'est bien ça? Oui, un douzième, oui. De la grandeur d'une maison normale. En 1924, elle avait des lumières qui fonctionnaient, des livres qui avaient été écrits spécifiquement pour les livres dans la bibliothèque de cette maison de poupée-là. Il y avait des bouteilles, ouais, des bouteilles remplies de vraies boissons dans le cellier et des voitures miniatures fabriquées par Rolls-Royce. Même les toilettes avaient une plomberie qui fonctionnait. Hey, hein? Rien de trop beau. Les poupées, étais-tu pas contente quelque peu? C'était-tu des vraies personnes miniatures, les poupées? Oh! Non, tant qu'à faire. Ils ont rétréci. C'est ça. Ensuite, avant que les tests de glucose dans le sang soient disponibles, les docteurs goûtaient l'urine de leurs patients pour diagnostiquer le diabète. Ok, ça, ça m'écœure. Ah, un goût sucré voulait dire que le patient était diabétique. Ah, ben oui, tu sais. Ça a du sens? J'utilise beaucoup l'expression « ça a du sens ». Oui, là. C'est ça. Le mathématicien John Edmund Carrick passait son temps, il était captif par les nazis. Il a fait du pile ou face 10 000 fois. Le pourcentage total de pile et de face variait beaucoup au début, mais graduellement, ça a fait convergence vers 50-50, ce qui nous prouve la loi des grands nombres. Il l'a fait 10 000 fois et c'est arrivé très près du 50%. C'est juste qu'au début, ça a l'air d'être vraiment disparate, mais finalement, ça finit par se rééquilibrer. Un artiste a fait un montage de 1000 scènes d'horloges et de montres dans des films, des émissions de télé. Il a combiné ça pour faire un film de 24 heures qui lui-même fonctionne comme horloge. Ah! Donc tu pourrais mettre ça sur ta télé ou c'est sur ton ordi puis montrer 24 heures dans une journée pour je sais pas quelle raison. Ben tu pourrais faire ça. Ça gaspille du courant puis. Clairement. Perte de temps un peu aussi. Ouais. On a parlé de la reine tantôt, notre amie la reine. Oui. N'importe qui au Canada peut se commander un portrait de la reine et ça va lui être envoyé gratuitement. Tu commandes ça où? Sur le site de la reine? Nous, c'est sur le site du gouvernement du Canada. C'est la page qui s'appelle, je vais la mettre en français, attention. Commander ou télécharger une photo. C'est sur canada.pch.gc.ca. C'est la page de la reine? En fait, je vais te la montrer. C'est un portrait officiel de la reine devant sa propre... Voyons donc. Devant, j'imagine, une photo, une peinture d'elle à l'époque. Mais c'est dommage drôle. Photographie à Rideau Hall, à la résidence du gouverneur général à Ottawa, en Ontario, le 1er juillet 2010. Photo canadienne portant ses insignes canadiens en tant que souveraine de l'Ordre du Canada et de l'Ordre du Mérite militaire. Notez qu'il existe des contraintes légales et d'étiquette quant à la reproduction et l'utilisation de l'image de Sa Majesté, particulièrement quant à toute utilisation de nature potentiellement commerciale. Pas le droit de faire ça. Si vous avez des questions, nous vous invitons à consulter notre page sur les portraits royaux et utilisation des images. Vous pouvez la télécharger en JPEG de 14,29 par 20 pouces, ou de 10 par 14 environ, ou de 6 par 8,4 environ pouces. Pas pire, hein? Écoute, ça me remplit de joie, cette histoire-là. Tu peux l'avoir aussi avec Sa Majesté la Reine et Son Altesse Royale, le Duc d'Édimbourg. Oh, mon Dieu! T'as plusieurs options, là. Tu te les commandes, les deux? Tu fais comme une librairie de... Les trois, même, tu peux avoir juste le Duc tout seul. En plus? Je te jure. Lui aussi pour gratuitement? Oui. Wow! Oui, exactement. Tu me donnes des idées. Ben, c'est ça, mais pas pour utilisation commerciale. Un cadeau de Noël mal placé. Ben, tu sais, ça fait un malaise, même ça. Moi, c'est ça. Ah, la reine. Oh, merci. Oui, cool. J'aurais préféré un dildo aux autres jokes comme ça. Avant la Première Guerre mondiale, les montres, tu sais, les montres qu'on porte au poignet, là, étaient considérées comme très féminines. C'était pas tellement porté par les hommes. OK. Les montres étaient plus utilisées dans la poche, comme avec les petites montres... comment t'appelles ça? Les montres dans une... Comment t'appelles ça? Une... Pas un monocle, c'est quoi le... Non. Voyons. C'est pas une horloge grand-père non plus. Non, voyons. C'est une... Horloge de poche, une montre de poche. Ouais, une montre de poche. Vous savez ce qu'on veut dire. C'est ça, c'était... C'était plus pratique de porter la montre au poignet que la montre dans la poche lors de périodes de guerre. Donc c'est pour ça que c'est devenu socialement acceptable que les hommes portent ces montres. Le premier ministre de l'Australie, Ben Chifley, recevait régulièrement des appels téléphoniques sur une ligne directe secrète des femmes de ménage. Okay. Qui est donc essayant de commander de la viande parce que le numéro était similaire au boucher local. Mais non. Les femmes au foyer. OK. Les femmes au foyer commandaient de la viande. C'est un numéro similaire au premier ministre de l'Australie. Donc, à la place de gêner les personnes qui l'appelaient, Chifley prenait leur commande et passait la commande au boucher. C'est fin. C'est drôle, c'est très drôle. T'sais. Ensuite, Les Américains préfèrent, parlant de viande, la viande blanche du poulet et exportent souvent le reste en Russie ou en Asie, où la viande plus foncée est préférée. Donc, la plupart des poulets sont séparés en deux et se font envoyer un petit peu partout dans le monde. Ah, oh, ouais. Est-ce que tu préfères la viande blanche ou pas? Oui. Moi aussi. Poitrine. Les trois stooges. Je vais te prendre une poitrine, mais déjà décortiquée. Ah, oui, ben oui, ben oh, oui. Sinon, là, oublie ça. C'est clair. Là, t'as dit ça au premier ministre de l'Australie qui va passer ta commande au boucher. Exactement. Les trois... Y a pas de poulet au boucher? Y a-tu du poulet au boucher? Mais non. Non, c'est du bœuf, pis c'est du bœuf, d'après moi. Les poulets, t'es prends où? Au poulailler. Au poulailler, voilà. Les trois Stooges, pendant leurs 23 années chez Columbia Pictures, étaient vraiment sous-payés et n'ont jamais eu d'augmentation de salaire, étant donné que le chef du studio était convaincu qu'ils n'étaient pas populaires, ils n'étaient pas populaires avec les publics. Mais pourtant, les trois Stooges, encore aujourd'hui, jouent à télé en noir et blanc. C'est un classique. On aime ça. En 2010, la République de Fidji a perdu sa déclaration de l'indépendance, donc ils ont dû appeler la Grande-Bretagne pour avoir une photocopie de leur déclaration d'indépendance. C'est malaisant, rien qu'un peu. Oui, bonjour. Aïe, aïe. Madame la reine. C'est nous, là, Fidji. On peut-tu avoir ta photo? Puis on a commandé de la viande avec ça. Ouais, c'est ça. En 1978, pendant une partie de football du lundi soir, c'est le célèbre Monday Night Football. Oui. Pour remplir les ondes, il se passait pas grand-chose, donc Howard Cosell, l'animateur, commentait sur une délicieuse nouvelle collation qu'il était en train de manger, et c'est là que les nachos de stade sont devenus populaires. Il se passait rien, tu sais, fait bon, gars, je vais parler de mes nachos, ça, crème sûre, salsa. Quelle bonne idée. Ben, c'est devenu populaire grâce à Howard Cosell. En Chine, les compagnies de cigarettes ont le droit de commanditer des écoles avec des slogans comme... Le génie arrive quand tu travailles fort et le tabac t'aide à devenir talentueux. Ah. Ouais. Ils ont le droit. OK. C'est ça. Ensuite, un musée qui veut te coupler, te matcher, te rassembler avec ton sosie, je dirais, avec une statue ancienne qui ressemblerait à toi-même. Ah. Ouais. Donc, un voyage au musée, c'est toujours une bonne opportunité d'apprendre des choses. Et il y a un nouveau projet, au musée de la civilisation de la ville de Québec. Ah, tu vois, je ne savais pas ça. En plus. Au Québec, je l'avais même pas lu, ça. En plus, ça côté de chez nous. Ben oui. Donc, pour trouver votre double, votre sosie. Je ne savais pas ça. Eh bien. Ensuite, une théorie. Tu connais Clifford, le gros chien rouge? Oui, ben oui. Le dessin animé, là. On se demande comment le propriétaire de Clifford pourrait ramasser ses besoins à Clifford. Je sais bien pas. Tu t'es déjà demandé ça? C'est non? Avec une gigapelle. Peut-être. Donc, c'est un grand débat sur Reddit. Et certains gens ont sorti leur théorie. Clifford fait environ 25 pieds de haut. Donc, basé sur la hauteur et le poids d'un labrador régulier, normal, Greg Nuttall sur Reddit estime qu'il pèserait environ 87 tonnes. OK. Et s'il faisait des besoins de la proportion normale d'un chien, mais ensuite augmenté à sa grandeur, ça ferait environ 1320 livres de ça par jour. Et selon ses calculs, ça ferait 423 pieds cubes de caca. Ce qui pourrait entrer peut-être dans un container à vidange. Oh my god! Wow. Donc ce serait la réponse, un container. Quand même, hein? Ben oui. C'est pas petit? On va terminer là-dessus. Pour C'est un fait, les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1099. Wow! C'est bien fait. Le 1111 s'en vient, mais tout. Oui, c'est quatre vrai. Fois là. C'est vrai. Tiens, on va aller se façonner, après nous avoir façonné le cerveau de connaissances comme ça, allons-y. On va se façonner nos oreilles de bonne musique avec Chiseler, voici Crystal Fairy. À son logique! Feel it from a mile away. In denial that we're all being Crystal Fairy avec Chiseler. Apparemment, Tania t'a fait la même erreur il y a quelques semaines de ça. Penser que Crystal Fairy... C'était cute, il y avait des feuilles pis tout. Non. Non, faites attention. Ah, on peut pas entendre les pièces avant de les faire jouer parce que les fonds sont tous sur l'ordi. C'est pas ne vous fiez pas au titre. C'est ça, ne vous fiez pas au titre. Faites pas la même erreur que nous. Alors, on revient dans quelques instants avec Voix d'Afrique. Assemblage pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89. C'est pour toi aujourd'hui, Tania. Ah, merci. Tania pensait que ça disait pour qui? Non, dans l'autre bumper. Ah, celui le plus court? Oui. Attends un peu, je vais te faire jouer ça, on va voir. En fait, je sais pas si ça a été un buzz. Je sais pas. Ou si ça a vraiment été dit. Essayez, attention. Assemblage pour toi aujourd'hui. Okay. Pour qui pour toi? Non. Assemblage pour toi aujourd'hui. Pour toi, aujourd'hui? Hein? Assemblage requis pour toi. Ok, ouais. Assemblage requis pour toi. Ok, c'est bon. Ouais? C'est le requis, en fait, qui sonnait pour qui? Ah, ben oui, mais c'est un robot, là. Exact. Faut pas trop y en demander. C'est ça. Toujours assemblage requis, donc l'émission matinale en pièces détachées avec Talia Baudin. Et Mathieu Plante. En ce lundi 24 avril 2017. Maintenant, il est de retour parmi nous. C'est Dominique Notmavungu. Voici Voix d'Afrique. Dominique. Bonjour Mathieu. Ça va? Bonjour à vous, oui, ça va. Et toi? Oui, ben moi, je sais que ça fait très longtemps que je t'ai pas vu. Tania t'a vu pendant mon absence de moins de vie, il me semble, une fois. Mais t'es de retour parmi nous pour une dernière fois parce que c'est la dernière émission, c'est la dernière semaine d'Assemblage requis pour cet hiver. Mais c'est pas grave, on est content, on te prend quand t'es là. C'est cool. C'est ça. Et on parle avec toi de tout ce qui se passe en Afrique, que ce soit musicalement parlant, sportivement, alimentairement, je sais pas trop, cinématographiquement peut-être. C'est ça, exactement. Donc de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va commencer par parler déjà de sport. Sport, cool. Voilà, de sport d'athlètes africains qui évoluent à l'étranger, précisément en Angleterre, de soccer. Donc, il y a eu ce week-end, la remise des trophées des meilleurs joueurs. Okay. C'est comme une cérémonie qui récompense tous les meilleurs joueurs de la Ligue. Et donc, le meilleur joueur cette année a été un Français d'origine malienne. Qui s'appelle N'Golo Kanté, qui est un milieu de terrain qui évolue à Chelsea. C'est un club de soccer qui est situé à Londres. Est-ce que tu connais un peu Chelsea ou... Non, désolé. Ok, bon, mais c'est ça. En ce moment, c'est les premiers de la Ligue. C'est un club de soccer qui évolue à Londres. Et donc, N'Golo Kanté a été élu meilleur joueur de cette année, de la saison 2016-2017. Quand ça s'appelle Kanté? C'est déjà en partant. Okay. C'est bien nommé pour pouvoir scorer. Non, c'est Kanté, K-A-N-T-E, accent aigu. Donc, milieu de terrain. C'est pas, le pas gag compté. Marche moins dans ce Ouais, c'est sûr. Vas-y, en quantité dans ça, le nombre de buts en quantité. Non, c'est ça. Donc, ça, c'était pour au niveau du sport aussi. Il y a eu aussi un match aussi classique qu'on appelle le Classico, qui se déroule en Espagne, qui oppose le Real de Madrid au FC Barcelone. Mm-hmm. C'est un match aussi qui partage aussi les passions en Afrique. Ouais. Il y a vraiment des tensions dans tous les quartiers. Il y a même des gens qui se parlent plus grosse rivalité. Dans les soupers de famille, tu parles pas. Ouais, c'est ça. Ou tu parles juste de ça? C'est comme parler des Canadiens ou des Maple Leafs. C'est ça. Fais pas ça. Des Maple Leafs. Ou des Bruins de Boston. Je sais pas quoi. Non, c'est ça. Mais donc, il n'y a pas d'Africains évoluant dans ces deux différentes équipes. Mais il y a une passion vraiment sentiment d'appartenance. C'est ça, qui est palpable. Et donc, hier, ça a été remporté par le FC Barcelone. Donc, par 3-2. Donc, on voyait partout sur les réseaux sociaux les fans de l'équipe qui provoquaient un peu l'équipe adverse pour se moquer, disons-le. Mais tout ça dans la bonne ambiance. Et Donc félicitations au FC Barcelone pour avoir gagné le Classico. Moi perso, je supportais le Real Madrid. Ah, il me semble bien. Félicitations. Hein. Ouais, c'est ça. J'étais là, oh, d'après moi, lui, il était de l'autre côté. Sinon, il y aurait eu ses crestelles. Exactement. C'est... Ah! C'est ça, mais malheureusement. Heureusement, j'ai pas parié d'ailleurs. Ouais. T'es donc, pas un homme à parier. Non, j'ai pas pris de risque. Tant mieux. C'est mieux comme ça. Ouais. C'est ça, c'était pour. Au niveau sportif. Et aussi, là, on va parler aussi d'un fait de société. Et un fait de société étonnant. J'ai trouvé que. On dit qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est le pays qui a la plus grosse croissance en consommation de champagne. Ah, de champagne! De champagne! C'est fancy, ça, comme ouais, vice. Hein. J'aimerais savoir ce vice-là, mon petit chanteur. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été, l'étude a été faite par la maison Tattinger. Et donc, ils ont vendu près de 240 000 bouteilles en 2016. C'est plus que partout dans le monde, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait à célébrer comme ça en Côte d'Ivoire? Je sais pas, moi j'étais là-bas, c'est un pays que j'ai visité, mais vraiment ils adorent consommer beaucoup de champagne en boîte, là, en soirée. C'est des gens qui peuvent payer comme 20 bouteilles, qui ne boivent pas. Wow! Est-ce qu'il y a aussi eu une augmentation du nombre de yeux pétés par les bouteilles de champagne quand elles ouvrent? Peut-être, probablement. Peut-être, hein. Probablement. Ils visitent à l'urgence. Oui, c'est ça. En hausse. Oui, probablement. Donc, c'est vraiment, il faut dire que c'est vraiment dans les habitudes de consommation. Les gens consomment beaucoup d'alcool, oui, mais principalement, particulièrement de champagne. Je ne sais pas, c'est peut-être pour... Je sais pas, il aime ça le mousseux, il aime ça le petit goût ça. Léger, mais pas trop étonnant. Moi, c'est ce que j'aime. C'est bon. Du champagne. C'est mieux que des couleurs. C'est ça, ouais, c'est bleu. C'est ça, ils en arrivent même à dépasser le Nigeria, qui est un autre pays aussi d'Afrique. De Soulan. C'est ça. mais fait étonnant, c'est qu'au Nigeria, il y a quand même 180 millions de personnes. Et en Côte d'Ivoire, il y en a 20. Et c'est dire la proportion, tu vois, qu'il y a 20 millions qui consomment plus que 180 c'est fou, millions. Hey, c'est fou, ça. Waouh. Les compagnies... Légèrement un petit problème d'alcoolisme là-bas. Hein, soit il y a quelque chose à célébrer ou encore ils doivent penser à autre chose. Oui, c'est ça, un des deux. Boire pour oublier. Exactement. C'est ça, et boire pour oublier ça ou boire tout court, tout simplement, juste pour... L'important, c'est de boire. Les enfants, l'important, c'est de boire. Sachez-le. En tout cas, c'est sûr que clairement, là-bas, c'est ce qui se dit. En Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment mauvais. Okay. C'est vrai. Oui. T'as pas ta meilleure. Non, ouais. Non, c'est ça, fait que c'était un peu ça. Et dernièrement aussi, parler un peu de la fête de Pâques qui a eu lieu là-bas, toujours en Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est une fête qui est particulière pour les Ivoiriens, parce que, pas pour les Ivoiriens en général, mais pour une ethnie de là-bas, un peuple qu'on appelle les Baoulés, qui ont vraiment reformulé la fête de Pâques, et ils en ont fait une fête propre à leur ethnie, qu'ils ont rebaptisé Pâquinou. Pâquinou! C'est ça! Oh, c'est gros, ça. C'est une mini Pâques. C'est ça, c'est une fête, c'est dans l'esprit, toujours dans l'esprit festif, mais c'est vraiment comme une fête maintenant de l'ethnie où des gens quittent le milieu, la ville et se retrouvent en ville. C'est-à-dire c'est comme une réunion de famille dans le milieu rural avec les frères, les cousins de partout qui viennent en région pour fêter ça. Et un fait surprenant, il y a même des cadres même qui quittent leur travail et pour aller en zone, qui rendent des contrats juste pour aller... Je peux pas te vendre ça, laisse faire ça, je m'en vais faire la fête. Je m'en vais boire du champagne, manger du chocolat fourré au champagne. Mais oui. Rien. On remettra ça plus tard, mon contrat. Eh oui, hein. Hey. Chose à la fois. Tout à fait. Enlève-moi pas mon fun. C'est ça, il y a vraiment des gens qui sont prêts à laisser des contrats pour aller fêter la fête de Pâques. Cette année, il y a près de 30 000 personnes qui sont déplacées des grandes villes aux zones un peu plus rurales. Donc c'est ça fait vraiment des... Et au retour, il y a eu vraiment des embouteillages monstres parce que tout le monde voulait comme rentrer sur la ville au même moment. Il y avait comme plus de cars, sachant qu'ils travaillaient demain. Donc on espère que tout le monde a pu être à l'heure à son service. Hein. Et avoir leur contrat qu'ils ont dû abandonner pour aller faire là. Pour le contrat, c'est peut-être moins sûr là. Embouteillage, est-ce qu'ils boivent ce haut volant? Embouteillage. C'est pas pire. Il est facile à matin. Ouais, tout à fait. Ça fait mon oncle, pas ça fait lundi, tu sais. Ah, wow. Non, c'était ça, c'était au niveau de la fête, au niveau de Pâques. Donc aussi, je vais parler un peu d'entrepreneuriat aussi. d'une entreprise que j'ai découverte qui s'appelle Aiko, qui est située au Kenya. C'est une entreprise, en fait, c'est une application qui envoie des conseils directement aux fermiers pour directement sur leur cellulaire pour leur permettre, pour qu'ils leur donnent des conseils comme par exemple le nombre de la quantité d'eau à mettre dans les bavoirs pour peut-être les chevaux, peut-être pour les poules, et aussi la quantité de paille à mettre aussi. Ils donnent comme des infos comme ça qui sont assez vitales pour les paysans de là-bas qui ne le savent pas forcément. Et l'idée, elle est venue de l'entrepreneur qui a créé ça, qui s'appelle Sue Bakumbu. Elle a eu l'idée parce qu'elle a failli tuer sa mère, justement. Ah. C'est ça. Elle a servi des salades avec trop de pesticides à sa mère. Non. Oh, wow. C'est ça. Et qui c'est malaisant un peu. C'est ça. Tiens, maman, bon appétit. Moi. C'est ça, exactement. Mais c'est le fun que tu nous donnes des conseils pour tuer ta mère. Oui, c'est ça, exactement. Mettez du pesticide sur la salade. Ah, mais j'imagine que c'est assez important de diluer ça quelque part. Ouais, c'est ça. Et c'est justement parce qu'elle ne savait pas et qu'elle a mis en place cette start-up-là, Aiko. Bon, sa mère, elle est toujours en vie. OK, une charfue. C'est ce qu'on voulait savoir de l'histoire. C'est ça, fait que par la suite, elle a mis en place ces startups-là pour aider d'autres fermiers à ne pas avoir la même expérience qu'elle, ouais. Parce que c'est une expérience qui peut être fatale aussi. Hein. Ouais. Sinon, c'est traumatisant, même si c'est pas fatal. Finalement, si au final, la mère elle meurt, elle reste vivante quand même, ça reste que t'as failli tuer ta mère. Oui, c'est ça. Tu pourrais te faire accuser de... Comment t'appelles ça? De... Meurtre après... De... Pas de meurtre, de... Ben, de tentation de meurtre. Ouais, tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Tentation. Ouais. Tentation de meurtre. Ouais. Tentative. On dirait un chocolat, ça. Hey, c'est lundi matin, OK? Veux-tu bien? Non, en fait, c'était ça. Pour Aiko, l'application, elle s'appelle Aiko et c'est une application kenyane qu'on retrouve au Kenya. Mais déjà, le concept aussi de l'application commence à s'exporter. Parce qu'il faut savoir que, qu'en Afrique, c'est le continent où il y a le plus de smartphones. Ah oui. Ah, OK. Oui, au monde, il y a... Et donc, du coup, les applications fleurissent déjà pour améliorer comme le quotidien des populations là-bas. Donc, tout passe maintenant. Le développement va essentiellement passer par les téléphones. Bon, on n'a pas de téléphone portable ou rien. Là. C'est vraiment, on prend un smartphone à la place d'un ordinateur. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, ils réalisent vraiment tout avec le smartphone. Donc, du coup, les entrepreneurs de là-bas, ils ont compris qu'il y avait vraiment une opportunité. Ouais. Donc, il y a beaucoup qui se lancent sur les applications via mobile et c'est vraiment un succès. Comme par exemple une autre dans le même registre, c'est une application de finance. C'est comme une banque en ligne qu'on appelle M-Pesa. En fait c'est en Swahili. M c'est pour monnaie et Pesa c'est pour argent. Donc, ah ouais. C'est en fait dans le fond tu recharges ton compte avec tu vas dans un kiosque, supposons que tu veux mettre genre du crédit, parce que là-bas on fonctionne pas par forfait. Okay. C'est pas comme genre ici où tu payes comme par mois. C'est pas de téléphone, c'est pas. C'est ça. Mm-hmm. On achète comme des crédits, genre des cartes de rechargement. Mettons que on va appeler pour 5$, genre mm-hmm. on recharge comme sa puce pour 5$ et on a genre 5$ de crédit. Un peu comme les cartes qu'on vend dans les dépanneurs ici. Ouais, c'est ça. Un peu comme les cartes prépayées et à l'issue de quand ton crédit finit, il faut que tu rachètes encore. Il y a certaines compagnies qui offrent des forfaits. Mais généralement, rares sont les personnes qui utilisent vraiment les forfaits en Afrique. Ça vaut plus la peine parce que tu utilises seulement ce que tu as besoin c'est avec ça. Ta carte. Hein. C'est ça. Tu utilises uniquement le montant que tu vas appeler. Et généralement aussi, il y a comme les quelques forfaits qu'on utilise, c'est beaucoup des forfaits Internet pour pouvoir utiliser... Comme ici, par exemple, on a les données, genre LTE. Ouais. Et là-bas, genre, tu es obligé de faire comme des activations. Ça coûte genre peut-être, je dirais, moins d'un dollar, je pense. Pour la journée et avec ça tu peux utiliser internet genre la 4G. OK. Fait que tu navigues vraiment mais pas illimité j'imagine. Non, c'est juste pour peut-être 24 heures. Okay. C'est 24 heures et après faudrait comme recharger le lendemain. Mais souvent il y a souvent aussi des promotions qui s'étendent sur peut-être des jours ou des semaines genre où pour un montant de plus tu as comme droit à peut-être 7 semaines d'accès. Okay. Internet. Donc fait que c'est pour ça, c'est ça, je parlais de l'application M-Pesa. Fait que là-bas, tu recharges comme ton compte dans des kiosques. Supposons que tu veux mettre rechargé peut-être 10$, genre tu payes 10$ et on te recharge du crédit pour 10$. Et avec ce crédit dans ton téléphone, tu peux utiliser pour faire des achats. Donc du coup, c'est vraiment... Champagne. Oui, c'est ça, exactement. Ben, mettons. Un plus un fait deux. Ça, pour 10 dollars, je pense pas que t'auras une, non. T'auras une bouteille, ouais, non, là. Oui, c'est ça. Les du mini- moins, elle va être très, très petite. Un échantillon. Non, c'est ça, exactement. C'est un ça. Shooter. Un shooter de champagne. Mm-hmm. C'est ça, pour, c'est ça, un peu ça que les populations vraiment utilisent là-bas. Et ça facilite vraiment le, ben, le quotidien, déjà, parce que ça limite, ben, pour un souci de sécurité aussi, déjà, le fait de se déplacer sans argent liquide, c'est peut-être plus rassurant d'avoir tout, oui. D'avoir déjà son portefeuille sur ben, électroniquement. Et au pire des cas, si tu te fais voler le téléphone, ben, il faudrait quand même que la personne connaisse le code pour pouvoir avoir accès à ton compte. Donc, ça veut dire que ton argent, il est quand même plus ou moins en sécurité, ouais. Que de transporter la somme sur soi-même et risquer de se la faire voler ou... Et recharger soi-même, ça fait que tu portes attention à combien c'est tu vrai, dépenses. Hein? Tu sais, ici, on a des forfaits à 6 ou 8 gigs, peu importe, mais j'en utilise le quart. Ouais. Je suis perdant. Oui, j'ai tout à gaspillé fait. 6 gigs. T'sais. Oui. Ouais, c'est ça. C'est, ça te permet de vouloir vraiment faire attention à ce que tu dépenses et de consommer uniquement ce dont tu as besoin. Mais à l'inverse aussi, ça peut être aussi... tu risques d'en manquer. Oui, c'est sûr, oui. Il faut c'est que t'a... ouais, tu arrives à la fin de ta journée, de ton 24 heures, il te reste plus de données. Est-ce qu'il faut que tu attendes au lendemain? Ou tu peux t'en acheter un autre ouais, mais non, pour le même 24 heures? C'est ça. Ben, non, mais en fait, une fois que tu le recharges, je pense que tu es dépendamment. Parce qu'en fait, il y a une limite des données, en fait, généralement, pour 24 heures. C'est pas comme tu recharges, ben, dépendamment de la compagnie. Il ouais. y a certaines compagnies qui offrent, genre, pour 24 heures. Et tu peux l'utiliser pour les 24 heures, peu importe le nombre de visites, de téléchargements que okay. tu vas faire. Mais ce système, je pense qu'il tend à disparaître. Maintenant, c'est vraiment quand tu recharges, tu as comme une limite de données genre pour le montant forfaitaire auquel tu appliques. Et si elle finit, ben, genre, la connexion est scoop. Ouais, genre. C'est ça. Faudrait comme que tu recharges pour ce qui a du sens pour les compagnies, parce que sinon les gens devaient genre peut-être même pas renouveler leur forfait, puis à un moment donné, une journée dans la semaine, tu prends un forfait, tu dépenses tout ce que tu veux, tu les charges tout ce que tu veux, puis après ça tu le lâches pendant une autre semaine. Ça, les gens devaient profiter du système un peu. Ouais, c'est ça, mais le problème c'est que t'as besoin vraiment de la communication à longueur de journée, parce que tu seras obligé, mais si tu pourras tout comme tout télécharger en journée, tu sais, pour pouvoir Facebook ou WhatsApp, pour pouvoir converser, tu aurais forcément besoin de ça. Ouais. Donc c'était ça, c'est vraiment ça, c'était pour M-Pesa qui est la monnaie électronique. Et toujours au Kenya, qui est vraiment décidément un pays qui est quand même en pointe. Mais c'est le pays africain par excellence en matière d'entrepreneuriat. Ils ont beaucoup d'incubateurs là-bas, beaucoup d'entreprises pionnières dont les idées naissent vraiment dans les incubateurs là-bas. Et après ça se propage vraiment au niveau de l'Afrique. Comme par exemple donc dernièrement, ils ont eu un salon de l'entrepreneuriat, ben, je dirais salon, mais comme un regroupement d'entrepreneurs qui venaient à parler des différentes solutions. Et c'est de là-bas même qui est née d'ailleurs une autre compagnie, mais qui s'appelle Map Kibera. C'est genre, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être dans les bidonvilles là-bas, il y a comme vraiment de grands bidonvilles. Ben, d'ailleurs même partout en Afrique. Et il n'y a pas, ben, tu sais, dans des bidonvilles, il peut y avoir comme des genre des millions de personnes, genre. Mais qui sont pas, c'est pas répertorié, genre, il n'y a pas de cas de service ni des produits là-bas. Donc cette application-là, Map Kibera, en fait, elle recense tout ça et elle permet, c'est comme le Google du coin, genre, t'as comme toutes les informations là-dessus, mais toujours avec ton cell. Parce qu'il y a quand même pas forcément aussi des smartphones, même des téléphones peut-être moins... Ouais, moins évolués. Ouais, c'est ça, moins évolués. On pourrait faire des appels, des messages textes peut-être, c'est mais ça. Pas d'Internet dessus. Fait que dépendamment de... Tu sais, l'application, elle fonctionne quand même sur ces téléphones-là. Okay. Fait que c'est vraiment des applications, mais vraiment très, très simplifiées. Quoi. L'interface, elle est vraiment genre simplifiée pour pouvoir fonctionner sur la plupart des téléphones, je dirais, une bonne partie. Et donc, fait que... Dans les bidonvilles, tu peux avoir comme t'as accès à la carte des services, aux écoles, aux points d'eau, fait qu'on peut se déplacer plus facilement et aussi aux horaires auxquels mieux vaut peut-être ne pas se déplacer souci de sécurité quand même. Wow. Parce que je pense que moi j'ai trouvé intéressant de vous en parler parce que dans toutes les capitales africaines, il n'y a pas forcément de points de service pour que les populations puissent dans les bidonvilles en général. Parce que ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup. Une grosse partie de la population se trouve vraiment dans des bidonvilles. C'est comme des mini-villes, des villes dans la ville, ouais. Tu vois. Fait que tu peux être comme là et genre il y a des personnes qui peuvent vivre là et ne jamais en sortir, genre. Ils font tout là, ils travaillent là, ils vont à l'école là. Et donc cette initiative, moi je trouve qu'elle est intéressante et que d'autres pays africains devraient l'appliquer pour qu'on puisse aussi avoir des maps propres à nous, parce que tu sais, je prends l'exemple de Google là-bas, c'est pas comme parfait, genre déjà la géolocalisation, je pense pas qu'elle marche et tout. Fait que je pense que là il faut avoir de nouvelles alternatives et genre des cartes faites par nous même, tu sais. Ouais. Parce que c'est vraiment pas, c'est la géolocalisation. Il y a quand même une géolocalisation de Google, mais c'est peut-être pas les bons points au bon endroit. Tu sais. Ils ont fait ça rapidement, ils se disaient que c'était moins important, mais finalement, ça ne l'est pas. Non, c'est ça. Finalement, les points ne sont pas à la bonne place. Là. Ah. Donc, faudrait, ça montre comment c'est essentiel, les téléphones et et l'Internet. Quand même, ouais. Même surtout aujourd'hui. Là. Ouais. C'est la base. Non, c'est ça. C'est vraiment la base de au niveau de la communication et tout. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et fait que, à suite de ça, je vais vous parler maintenant de tourisme. Oh. Voilà, je parlais d'une destination de mon choix que j'ai décidé de partager aux auditeurs. Mm-hmm. Donc, j'ai vu de Madagascar. Ouais. Je vais vous parler de Madagascar, qui est un pays qui est en Afrique. C'est une île. C'est la cinquième île la plus grande du monde. Et c'est un pays essentiellement, une île essentiellement touristique. Mmh. Les gens ils vont là-bas pour vraiment à cause des hôtels, à cause des casinos et surtout à cause de la cherté de la vie, parce que c'est vraiment moins cher en fait. Donc la monnaie là-bas elle est très faible comparativement peut-être au dollar américain ou à l'euro. Donc du coup il y a vraiment beaucoup de tourisme et l'économie de l'île survit vraiment grâce au tourisme, aussi aux personnes qui achètent des souvenirs là-bas, des tableaux qui emportent. Et là-bas, les marchés de souvenirs sont vraiment... C'est toujours plein tout au long de l'année. Il y a des touristes de partout dans le monde qui se bousculent. Ils ont dû se faire vraiment aider quand le film est sorti. C'est clair, hein? Ils doivent aller là-bas avec le dessin animé, là, sûrement. C'est que sûr. Tout le monde doit vouloir aller là-bas. Ils espèrent voir les animaux. Ça aide, non? Ça aide, je suis sûr que ça aide vraiment. Ouais. Mais c'est pas tous les animaux du film qui prennent. Par exemple, les pingouins, on oublie ça. Il n'y a pas ça. Okay. Il y a pas, mensonger. Triste nouvelle. Fausse représentation. Je voulais y aller pour ça, mais maintenant... C'est comme les plus connus du film en plus. Oui, exactement. C'est ça, mais non, il n'y a pas de témoin là-bas. Pas de témoin là-bas, mais par contre, le reste, je pense, les zèbres, oui. Mm-hmm. Les zèbres et le lion, oui. Mais... Ça commence déjà bien, c'est juste ouais, ça, c'est quand même ça, beau. Ouais, c'est ça, c'est pas mal plus que nos mouettes, là. On c'est juste ça comme ça. Plus que nos mouettes. Et on doit se partir d'une campagne touristique là, sur les mouettes du Québec. C'est fou. Un film de Disney Pixar. Elles sont tellement diversifiées en plus. Les mouettes du Québec, il y a beaucoup de mouettes au Québec. Ah oui. Ah, ouais. Mange des frites. Ouais, va dans un stationnement de McDonald's, tu vas voir, elles sont toutes là. Toute la gang. Toute la gang. Ah, c'est ridicule. Non, c'est ça. Fait que non, mais à Madagascar, je pense qu'il y a assez de mouettes, mais les gens vont pas essentiellement là-bas pour les mouettes. Ils viennent vraiment pour... Voilà, malgré les mouettes. Ouais, c'est ça. Ils vont pour les zèbres, les lions, les éléphants. Non, ils viennent vraiment profiter de la destination. La culture là-bas, c'est une culture malgache. Les premiers habitants de là-bas, c'était comme des Perses, des gens qui vivaient dans des îles environnantes, peut-être du Moyen-Orient, et qui ont découvert l'île parce que c'était une plateforme pour le commerce. En fait, c'est comme l'île, elle fait partie du continent africain, mais elle n'est pas sur la carte. Et les gens, vraiment, c'est vraiment une île à part. Détachée. C'est ça, elle est vraiment détachée du continent. Et donc, c'est ce qui explique aussi que les gens là-bas, ils ont peut-être le teint basané. C'est vraiment des personnes d'Asie qui étaient là-bas. Okay. Et qui ont découvert l'île du fait de son emplacement. Et qu'il y avait encore personne là-bas, tu sais, ils ont profité pour développer. Ils ont vu que vraiment il y avait une potentialité au niveau touristique. Et puis les terres, elles étaient assez fertiles. Donc du coup, ils se sont installés là-bas et ils ont fondé l'île de Madagascar. Mm-hmm. Donc d'où le nom du film. Mais je sais pas si l'île était là avant le film. Ouais, l'île était là avant le film. Wow. Ouais, par contre, il fallait préciser que l'île, elle était là avant le film. Ouais. Parce que je pense que... Avant la suite du film aussi. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Avant la... Ah, OK, là, le 2. Ouais, il y a une suite, hein. Ouais, je pense pas avoir suivi ça, moi. Ils ont fait une deuxième île Madagascar, juste pour le film. Pour avoir un deuxième Madagascar. C'est les studios, tu sais. C'est ça. Ils se sont dit, on y va all-in. All-in. C'est ça, c'est ça. Et parler aussi de, en, toujours en parlant de là où vous faites bien de parler de Madagascar, on va parler un peu de cinéma là. Donc là, on va revenir sur le Nigeria. Je vous avais parlé du Nigeria qui était vraiment le pays le plus avancé en matière. Mais là, ils ont commencé à... Ils travaillent sur leur propre film de super-héros. Oh. C'est ça, il y a eu... là, en ce moment, il y a les comics qui vont bientôt sortir, qui s'appellent Ozuna. C'est en fait... C'est les héros des Avengers sont comme remplacés par des héros de la mythologie de là-bas. Okay. C'est des héros, mettons, de, ben, des dieux et des déesses que les gens priaient par le passé. Et donc, un artiste là-bas, on a décidé de faire des bandes dessinées, des comics. Et on fait ça avant de pouvoir faire le film pour que les gens soient au courant de la mythologie. C'est ça, c'est ça. Donc là, présentement, ils sont dans le lancement des comics. Ils essaient d'apporter vraiment la, ben, la culture des comics là-bas. On sait que c'est vraiment nord-américain, ça vient vraiment d'ici. Mm-hmm. Fait que là, c'est un peu à la sauce un peu africaine et tout. Donc les dieux sont vraiment des dieux que les gens peut-être là-bas connaissent plus. Par exemple, quand je prends peut-être Avengers, c'est, ben, je prends un exemple de Thor, c'est plus la mythologie nordique, en Europe et tout. C'est pas sûr que, peut-être les que tous les Africains aient déjà entendu parler de Thor auparavant. Fait que là, on a peut-être réajusté ça avec les dieux africains. Là, c'est pour qu'ils soient plus dans les éléments. Là. Mais c'est pas seulement une adaptation, c'est vraiment des nouvelles bandes dessinées. On a écrit des nouveaux scénarios. C'est ça, c'est des nouveaux scénarios. C'est... En même temps, ils sont inspirés, mais c'est vraiment des nouveaux scénarios et puis des histoires vraiment que les populations connaissent. Et je pense que ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un moyen aussi culturel aussi de promouvoir aussi la culture au travers des bandes dessinées et tout. Et ça s'exporte très bien après. C'est ça, aussi, c'est ça pour que les personnes liront ça et de manière ludique, ils comprendront, ils connaîtront aussi, ils apprendront à connaître la culture aussi de là-bas, tel dieu. Je sais qu'il y a tel dieu. Ça serait une manière aussi de pouvoir développer la culture de ces différents pays-là au travers des bandes dessinées. Et ben ça, c'était au Nigeria, mais je pense que ben, j'invite aussi les autres pays aussi à pourquoi pas effectuer des adaptations, avoir leurs propres comics et tout pour que qu'on ait dans le plus de domaines possible pour divertir les gens. Ouais, c'est ça pour pouvoir divertir les gens et aussi en parlant de divertissement ici, il y a ben, là en tout cas à Trois-Rivières, il y a quand même. Je crois le jeudi, il y a un showcase encore qui est organisé par un des amis et moi-même, co-animateur. Ouais. C'est ça. Et on fait comme venir des artistes de France, genre, des musiciens qui viennent ici à La Grange. C'était assez, tu vois, à La Grange Festive. Cool. On avait fait venir un il y a deux semaines qui est assez connu en Europe, qui était venu ici. Genre, il y avait quand même beaucoup de personnes, il y avait beaucoup d'influence. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas remettre ça, jeudi, mais avec un autre artiste, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Zaf Ronglish, qui sera là avec nous, jeudi pour une soirée de fin de session. C'est dans le cadre, on fait comme des activités ici pour divertir justement la population africaine. Ben, de l'UQTR, ben, c'est principalement des Africains qui le connaissent. C'est un Français, mais genre. Fait de la musique. À découvrir quand même pour les autres, mais c'est ça, à découvrir quand même pour les autres, mais ouais, c'est principalement pour cette clientèle qui les connaît. Mais on invite aussi toutes les personnes aussi à venir découvrir parce qu'on est quand même au Québec, il faudrait qu'il y ait des Québécois quand même. Mais il y a quand même beaucoup de Québécois qui étaient présents la dernière fois pour le showcase, qui sont venus découvrir l'artiste, qui ont bien aimé l'expérience parce que c'est un voyage aussi au niveau musical aussi, de s'ouvrir à de nouveaux genres musicaux qu'on ne connaît pas forcément, mais ça fait toujours du bien d'aller dans une soirée. T'sais, des fois, on va dans ces soirées, on ne connaît pas forcément l'identité musicale de la soirée, on va et après finalement on se retrouve qu'on aime ça. C'est ça, on découvre. On découvre, on se dit ah finalement j'aime bien ce rythme, j'aime bien cet artiste là. Je l'aurais pas écouté si j'étais pas venu là et fait que. C'est à quelle heure? À La Grange jeudi soir? Ouais, jeudi soir à partir de 10h. Ok, parfait. À partir de 10h, de 10h à 3h, fait que il sera présent avec aux alentours. Ben, l'artiste viendra aux alentours de 1h30, mais c'est genre vraiment la soirée de fin de session. Et lui, il est comme un plus là-dessus. Il va d'ailleurs prester quelques chansons et aussi rester avec nous pour profiter aussi de la soirée aussi. Boire du champagne! C'est exactement. Hein? Il y a ça à Grange, champagne. Ben oui. Cool. C'est ça, fait que il sera présent avec nous, Franglish. 22h, jeudi soir à la Grange. Jeudi soir à la Grange, c'est ça. Merveilleux. Fait que, on va continuer toujours au niveau culture. Parler aussi d'un nouveau courant musical qui en ce moment perce beaucoup en Afrique, qu'on appelle de l'afro-trap. Afro-trap. C'est ça, afro, okay. C'est un mélange de sonorités africaines et puis de trap. C'est trap qui est un courant de rap aux États-Unis. C'est genre, c'est une musique un peu avec des... Je sais pas si tu connais la trap. Est-ce que tu écoutes beaucoup de hip-hop? Non. Non, zéro. C'est un courant de rap qui a été... qui a été popularisé par les gens des quartiers, genre, tu sais, qui vivent dans des quartiers comme Harlem et des quartiers un peu défavorisés. C'est un courant musical qui parle un peu, où ils décrivent un peu leur quotidien. Ils parlent de la drogue, de la prostitution, de... Des belles choses. C'est ça. Des armes, des factures impayées. C'est généralement ce... Ben, les instrumentaux sont vraiment faits pour pouvoir parler plus facilement. C'est pas très mélodieux, tu sais. Fait que là, il y a comme une combinaison de rap, de trap et d'afro maintenant. Okay. C'est genre des sonorités, tu sais, africaines et tout, qui ont été reprises par... c'est de la trap façon africaine, tu sais, avec tout en musique, tout en rythme. C'est genre avec des instrumentaux beaucoup plus rapides, c'est pour vraiment mettre l'ambiance. C'est des musiques qu'on passerait facilement en boîte de nuit, là-bas, pour ambiancer. Et ça prend vraiment de l'ampleur. Il y a un artiste particulièrement qui s'appelle MHD, qui vit qui est en France. Il était d'ailleurs présent à Montréal l'été passé. Je pense que cette année, il va encore revenir. C'est l'un des pionniers de ce courant musical-là. Et contribue vraiment à ça. Et en ce moment, en Afrique, ça marche beaucoup. Donc, du coup, on a beaucoup d'artistes qui se lancent dans ce nouveau courant musical-là. Je pense que c'est peut-être le courant du futur, tu sais. On marche vraiment par tranches, tu sais, en Afrique. Tu sais, il y a peut-être... pour les 10 dernières années, c'était vraiment le coupé-décalé. C'est un rythme qui venait de la Côte d'Ivoire, qui était vraiment en vogue. Donc là, tout doucement, on est en train de migrer vers l'afro-trap. Et après, il y aura encore un nouveau rythme encore qui va pour... on va par tranche de 10 ans, là. Ah oui, OK. Donc là, on est parti pour encore... on peut prendre notre temps avec l'afro-trap. C'est ça, avec l'afro-trap qui, je pense que... Il y a bientôt, tu sais, au Québec, si je pense que bientôt, ça va aussi prendre peut-être de l'ampleur aussi. Que les Québécois aimeront ça. Ça, tu sais, ça bouge beaucoup. C'est assez... c'est assez festif, c'est ça. À consommer avec du champagne. Avec du champagne. Tout a du champagne par là-dedans. C'est ça, tout a réellement du champagne. Et après, pour terminer, parler un peu de culture. Je pense que là, il y aura une exposition de wax qui aura lieu à Brazzaville. C'est une collection... ça a été fait par Woodin. C'est la marque Woodin. C'est une marque de wax. C'est des tissus en pagne. Je sais pas si t'as déjà vu. Tissus en comment? En pagne. Pagne. C'est genre, tu sais, où il y a plein de motifs. Des tissus africains, tu sais, où il y a plein de motifs et tout. C'est ça. En fait, la matière, c'est du wax. Ah, d'accord. C'est fait en Hollande, mais ça a été apporté par les colons de là-bas en Afrique. Donc du coup, nous aussi, on utilise aussi ce tissu-là, là-bas particulièrement. Et il y aura une exposition du côté du Congo Brazzaville, tu sais, où... des gens d'un peu partout viendront exposer leur savoir-faire, tu sais. Donc parce qu'il y a beaucoup de créateurs sur le continent qui font des objets avec cette matière, c'est-à-dire ils font des vêtements avec ça, des chemises, des robes avec ça, mais aussi d'autres objets comme aussi des sacs, tu sais, des sacs en tissu, des chaussures, des chaussures de soirée en tissu, des sacs, toutes sortes de sacs, sacs à dos, sacs à main. Saxophone. Excuse-moi, c'est trop facile. Fait que il y aura cette exposition là où les gens seront invités à présenter leur création du côté de Brazzaville, tu sais, pour montrer leur savoir-faire, comment ils travaillent aussi le tissu. Je pense que ça peut être aussi si vous êtes du côté de Brazzaville au Congo, ben ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ça et puis de découvrir un peu le savoir-faire des artisans locaux et internationaux. Génial, ça. C'était du côté de Brazzaville. Wow, ça en fait de l'information, hein. Je pense que tu t'es ennuyé de ta chronique depuis là. C'est ça, j'ai comme tout noté là-dessus. T'as très bien fait ça. Très bonne chronique, comme toujours, super variée. J'ai envie qu'on aille s'entendre un petit peu d'Afro Trap. Pourquoi pas? T'as parlé de MHD. C'est ça. Donc, allons entendre Afro Trap Part 7. Voici La Puissance tout de suite. On va voir ce que ça donne côté parole. Semblant je requis. J'ai le doigt sans censure. Non. Merci, mec. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais raculé. Parle en français, parle au cas, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours redette comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde, je suis au fond d'un carré VIP. Ces bâtards sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux têche, la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz, recueille-toi et laisse-moi en faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Et rien qu'elles se perdent, et même toi t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. C'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Mon bigot sonne, je suis en mode avion. Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche le gaz vocal. Ça blesse. MHD, Afrotrap, partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon et tout est fainé. La moula gang n'oubliera pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien dit, mais du sale, je vous promets. Tu m'attendais, calmaté, j'arrive. 2017, on reprend les hostilités. Ils ont voulu me boycott, j'en suis arrivé. Seul Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, je compte plus d'amis que d'alliés. J'suis seul, j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi, enfin s'il veut la guerre, il est en temps ou tard. La puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Imaginez avec Afrotrap Part 7 et la puissance dans la chronique Voix l'Afrique de Dominique Note Mavungu. C'était sa dernière chronique pour la saison. On se reparle bientôt. Exactement. Pour plus tard. Pour plus tard. C'est ce que je lui ai dit littéralement. Puis tout le monde rit de moi parce que j'ai dit ça. Mais on comprenait pas où tu voulais aller. Tard pour le retour de sa chronique un jour. Ah, OK. L'été commence. Il n'y a pas de chronique, ça. Ouais, c'est vrai. Au retour à l'émission Assemblage requis, la première et dernière chronique de Samuel Fortin. Restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. D'assemblage requis qui commence sur les ondes de C'est fou 89 FM avec Mathieu Plante et Tania Baudin. Exactement. Hey! Toujours à l'émission Matinant en pièces détachées où on reçoit tellement de gens détachés qui n'ont pas rapport qu'on c'est se vrai. Dit qu'est-ce qu'ils font là. On a Samuel Fortin avec nous. Salut Samuel. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, toi là? T'es ben, qui, toi? Ouais, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est une question que je me pose chaque matin en me réveillant. C'est ça. Qui je suis? Je suis un étudiant en loisirs, culture, tourisme, mais qui va malheureusement quitter bientôt pour partir dans les écoles de théâtre. Mais ça, c'est là le moment parfait pour commencer une chronique. Exactement. Exactement, pour ne plus jamais la refaire par après. C'est ça. On en parlera tout à l'heure avec lui. De quoi tu vas nous parler, en gros, en long et en large et en détail? Oh, de ma grande passion, les films de super-héros. Oh, Colin, génial! Hey, on commence ça, bang, bam, comme première et dernière. Hein? Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce qui va nous faire faire le tour du monde après notre ami de Dominique notre Mavungu tantôt. Ouais. Voici À quoi Serge? À quoi Serge? À quoi ça Serge, comme on dit. À quoi ça Serge? C'est Tour du monde. Avec Tour du monde, ben oui, évidemment. À Assemblage requis. C'était à quoi Serge? Tour du monde! Je pense qu'il l'a enregistré sur son lit de mort. En tout cas, chante pas fort. Il n'y a pas grand entrain dans son chant. À quoi Serge? Quoi qu'avec le nom Serge, le vieux. C'était méchant de dire ça. Shadow, est-ce que vous avez vu, les amis, le record du monde du gars qui claque le plus des doigts là, en une minute? Est-ce que vous voulez deviner combien de fois il claque des doigts en une minute? Beaucoup, faire? J'imagine. Probablement. Wow, c'est quétant, ça. C'est la chaîne du record. Ça claque des doigts, là, c'est pas de la cuillère. 3, go! Est-ce que vous comptez, comptez? Ben là... Faites votre job. Wow, hein? C'est d'une seule main, ça? C'est seule ça. Main, ouais, ouais. La minute passe vraiment très lentement, je sais. Bon. Donc, vous avez pas de... Vous voulez pas deviner? Ben là, je vais dire aux alentours de... Il a pas fini encore. Il a pas encore fini. Estimation. Dites n'importe quoi. En combien de temps? En une minute, avec une seule main. Je dis 150. 322. Hii! Juste, c'est entre les deux, mais vu que t'as dépassé, tu perds, fait que c'est Tania qui gagne! Yes! 296, snap des doigts. Il a battu le précédent record d'un gars de la Suède, 278. Wow, c'est Satoyuki Fujimura qui a reçu ce certificat des... Stop! Des comment il fait? C'est genre, mon niveau de claquage est... Non, mais c'est parce que tu deviens épuisé. Le gars aussi, à la fin, il est comme... Il est mort, là. T'imagines les doigts qu'il doit y avoir, genre, il doit avoir des muscles de doigts que personne connaissait. À la fin, en plus, c'est comme des demi-snaps, là, genre, t'es entends plus tant, mais, tu sais, ils sont là, tu sais, ça doit faire bouger une aiguille, quelque chose du genre, sur un détecteur de... Détecteur de claquage. Elle le fait à deux doigts, elle triche. Ben, on le mais voit. C'est dur, le monde le voit pas. Ah, je le vois à radio. Ça, de quoi tu parles? C'est comme regarder des vidéos YouTube à radio, c'est super le fun. Oui, c'est ça. On a tous déjà fait ça. Mon père jouait quelque chose. Ah, regardez, pas, regardez! Mais... Regarde ça, c'est bon! C'est Samuel Fortin qui est avec nous. Salut, Samuel. Salut. Le gars, il s'est préparé pour sa seule et unique chronique de la radio. Oui. On a dit que t'étais un étudiant en récréologie. Oui. Et que t'avais envie de faire une chronique à la radio depuis assez longtemps, je pense. Oui. Mais tu n'as jamais vraiment parlé. Non. Full. Fait que là, tu m'as dit, ah ben là, j'aurais jamais eu l'occasion de faire de radio. Ouais. Là, j'ai dit, il reste une semaine, viens-t'en! Ouais, ben tu m'avais invité à m'amener, mais après ça, tu avais perdu un bras pendant un moment. Ah, c'est ça, ouais. Le timing! C'est ça, le timing, tu m'avais invité, on voulait animer un match de la lutte ensemble, et tu t'étais blessé. Oui! Donc, tu l'as animé avec quelqu'un d'autre? Je l'ai animé tout seul, ce match-là. Oh oui! Hey, c'est plate, ça, c'est vraiment plate. Je m'en excuse, et je te remercie de m'avoir... C'est un grand plaisir, ça me fait toujours plaisir de faire ça. Mais bref, on te reçoit pour cette dernière émission du lundi à Assemblage Requis, mais tu t'es venu préparer, ben oui. T'as tes petits cartons. Ben oui, j'ai laissé faire mon quiz. Étude d'hier soir pour préparer ça. C'est génial. Ah, c'est si gentil. Mais en cryologie, on sait qu'il y a une fin de session. Oh! Tout le monde de récréo, attends-toi des roches dehors. C'est ça, tu vas te faire lapider en sortant du studio. L'examen de univers des comportements, on va étudier comment le loisir peut... permettre de sauver l'humanité en quelque sorte. Oh, ben quand, sauver hey boy, attends une minute, là. Ils se prennent pas pour... C'est pas rien, là. Ben, j'exagère un petit peu, oh, mais okay. C'est la meilleure façon que je peux décrire ça rapidement. Comme des super-héros de la récréo, là. C'est exact. Incroyable. Quel beau lien, Mathieu Plante. Quel beau lien. C'est de ça que tu nous parles aujourd'hui, de ben super-héros. Oui. Ben oui. J'ai toujours été fasciné par les films de super-héros. Mes parents m'ont fait grandir avec ça. Le premier film que j'ai vu, c'est Batman Forever avec Val Kilmer et Jack Nicholson. Pas Jack Nicholson, Jim Carrey. Oui. Ben oui. Un classique. Un grand classique. Qui n'a pas vu ce Batman-là. Mmh. Si vous n'avez pas vu ce Batman-là, allez-y tout de suite. Ouais, c'est ça. Regardez Jim Carrey en col en verre, c'est fantastique. C'est fantastique. Ça a marqué mon enfance. Oui, ben, c'est sûr. Des col en verre depuis ce temps-là. C'est ça. Exactement, ben oui. C'est ça le pire. Bon. En dessous, il met ses sous-vêtements par-dessus. Exactement. Comme, ben oui, c'est ça. Lui. Au fond, ouais. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas de ça que tu nous parles, ouais. Oh, pardon. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, les super-héros? Aucune idée, je le sais pas, mais c'est parce que ça paraît super. Ben. Clairement, c'est pour l'aérodynamisme quand ils volent. Quand tu vas aux toilettes, faut t'enlever tes sous-vêtements et tes pantalons de toute façon. Fait que t'as qu'à faire, ils enlèvent dans l'autre. Exactement. Ils sauvent du temps. C'est ça. Mais la question, ont-ils des sous-vêtements en dessous des collants en plus? Oh. Mais c'est pas le débat que je veux vous amener. Non, c'est ça. Ce n'est pas du tout ça. Parce que sinon, ça pourrait être intéressant, mais ça aurait été une autre chronique, mais malheureusement, comme ils disent. C'est ça, comme ils disent. Mais oui, mais je veux vous parler plus précisément, mettons, de la vague récente des films de super-héros qu'on a eu à partir des gros films de Marvel qui ont eu jusqu'à. l'extension des Avengers et des films plus récents de DC. Ouais, DC moins que Marvel, hein? Marvel? Attends un petit peu, parce que comme tu peux voir à mon chandail de Batman contre Superman, j'ai un camp favori et j'ai des arguments. Oh, okay. Batman, c'est DC, ça? Oui, Batman, c'est DC. Donc, tu connais ça, Tania, hein? J'avais un grand frère. Il est mort! Non, il est encore là, mais il vit plus dans la même maison, là, mais j'ai quand même su beaucoup de choses. Ouais, à cause de ça. On apprend, on veut pas. Ouais, c'est ça. J'avais pas le choix, en fait. Ouais. Apprends! Garde ça, c'est bon! Exactement! Ouais. Donc, la première grosse vague a commencé avec le Marvel Cinematic Universe, ou le MCU, qui a commencé avec Iron Man en 2008. Puis c'était déjà le plan de base de partir sur « on va faire un film, puis si ça marche, on pourrait peut-être en faire d'autres, qui va mener jusqu'aux Avengers. » Tu veux dire quand ça va marcher, parce que c'était clair que ça allait marcher avec ce premier film-là, non? Ils n'étaient pas encore trop sûrs. Okay. Ils ont mis les pistes un peu. Puis justement, d'une scène pas générique que Marvel ont commencé à faire maintenant que tous les films d'Hollywood font. Faut pas que tu partes avant la fin. Faut pas que tu partes d'un film romantique ça. D'un coup que le méchant revienne à la fin. C'est ça, on sait jamais. On le sait jamais. C'est pour ça que je suis pas sûr à la fin d'un film, foutu, je me lève. C'est quoi le film en ce moment là que 4 scènes pas génériques? Ah, c'est les Gardiens de la Galaxie 2 qui va en avoir 4-5. Non, mon Dieu, ouais, c'est-tu vrai? Ça arrête plus. Non, c'est ça que le réalisateur il a dit, il y a 4-5 scènes pas génériques. C'est dans le milieu du film. Oui, c'est ça, c'est finalement, c'est ça. Il y a plus de scènes après générique que de film, c'est ça. Exactement. T'as un film après le film, Ouais. Il avait placé une scène pas générique, mais vraiment à la fin, puis tout le monde n'était pas habitué à ça encore, où il plaçait Nick Fury, qui est le directeur du S.H.I.E.L.D., qui va unir les Avengers, comme un lien de « ça pourrait arriver, mais on n'est pas encore trop sûr, donc c'est pas tout le monde qui l'a vu, fait que c'est correct. » Il titille juste un peu, juste pour dire ça. Juste ceux, tu sais, qui ramassent le popcorn, qui sont comme « on peut pas laisser ça là. » C'est le staff cinéma qui connaît. Le staff, puis personne n'y croit. Exactement. Ouais. Et après ça, on a eu le film de l'incroyable Hulk, qui est... Ce film a été en drôle de production parce qu'on était jamais trop... Il était pas sûr si c'était une suite du film de Ang Lee de 2003 ou un reboot complètement. Puis la question s'est posée, mais elle a jamais été tranchée. C'est ça. Ah. Ça s'est jamais décidé si c'était. Fait qu'ils ont décidé que c'était un requel. Un requel. Un mélange de reboot et de sequel qui faisait que il y a des éléments du film, mais on fait un peu des notes, puis vous choisissez ce que vous préférez là-dedans, puis on n'est pas trop sûr. On vous laisse dans le néant un peu. Ah, j'aime pas ça. C'est comme... C'est flou. Ben, j'ai pas haïssé le principe non plus. Il y a beaucoup de monde qui aime pas le film pour ça. Moi, je l'aime pas personnellement. C'est pas le pire de Marvel. Je vais y venir plus tard. Oh, que je vais y venir là-dessus. Puis même, mais le plus gros problème de ce film, c'est que la scène pas générique qui est là, elle amène Robert Downey Jr., qui fait un Tony Stark tout à fait incroyable. Okay. Ça, je pourrais jamais contredire à Marvel que... Ils peuvent pas trouver quelqu'un d'autre pour non, faire ça. Non, c'est ça. C'était le mélange parfait. Déjà, Robert Downey Jr. est un alcoolique de base. Exactement. Iron Man Lee, donc... Il est dedans, là. Tu sais, ce gars est né pour faire Iron Man. Exactement. Donc, il amène le personnage d'Iron Man qui va voir le général Ross, qui est un des ennemis de Hulk, qui vient lui parler de on sait pas quoi, c'est pas trop clair. Puis tout le monde, à la fin du film, en fait... De quoi il nous a parlé. Et Marvel, pour rectifier le tir, ont dû faire un court-métrage de 10 minutes qui consistait à juste deux gars qui parlent dans un restaurant pour clarifier de quoi ils parlaient. Ben, c'est malaisant. Voyons donc. C'est très malaisant, mais ça sera pas la seule fois que Marvel va se reprendre avec un court-métrage. Il aurait pu tenir la bout puis juste dire « gars, ça sera expliqué plus tard en temps et lieu. » Exact. Ouais. Sauf que... Mais non, mais les fans, hein? Ah. Oui, mais là, c'est pas eux autres qui décident. Tout de suite. Non, mais c'est un des problèmes de Marvel en tant que tel, c'est que ils mettent des pistes sur quelque chose, sur dire « Ah, il y a quelque chose de plus gros, sauf qu'ils l'expliquent jamais, ou si tu veux les explications, ben faut que tu regardes la série, faut que tu regardes tel court-métrage, faut que tu regardes telle affaire. » Puis il y en a du contenu là, sur mais Netflix, oui, là, à la télé, il y a des séries partout. Il y en a du contenu. Des dessins animés. Il y a même des dessins animés, puis ils ont même des bandes dessinées faites avec les films, oui, que tu peux regarder avant ça, si tu veux comprendre telle affaire, mais tu regardes la série, si tu veux savoir avec tel film, qu'est-ce qui s'est passé. Hey, c'est ça, embarque là-dedans. Ça fait que le commun des mortels, là, hein? Ouais, ben c'est ça. Il y a même moi, j'ai arrêté de suivre. Wow. Je suis pas capable. J'ai essayé d'écouter Agent of S.H.I.E.L.D. J'ai fait un épisode et ça fait. Hey, moi aussi. Je ne regarderai jamais Agent of S.H.I.E.L.D. J'ai fait bon, ben, hein, on va trouver d'autres choses à regarder. C'est en plein ça que je me suis dit. Mais les séries Netflix sur. De Marvel sont 100 fois meilleurs. Regardez ça. Daredevil. À part Iron Fist, par contre. Iron Fist, ouais, très mauvais le côté action. Hein. J'entends dire que les effets de combat... Ben, 53 la rumeur montages, veut hein. que les acteurs apprenaient les scènes de combat 15 minutes avant de tourner. J'ai lu ça, c'est merveilleux, ça. C'est... Oui, n'est-ce pas? Frappez-vous dessus. Ouais. Oui, frappez-vous dessus. Donc, après ça, Marvel, après avoir rectifié le tir de l'incroyable Hulk avec un petit court-métrage, reprenne avec Iron Man 2, qui est encore une fois beaucoup moins bon, beaucoup moins bien reçu par les fans et la critique en général. C'était quand même un divertissement bien, mais encore une fois, c'est pas trop pire. Mais là, il assumait totalement que, OK, les Avengers, ça va arriver. Fait qu'il y a Black Widow, il y a Nick Fury, puis ça va arriver. Puis ce qu'on sentait que, OK, Iron Man, as-tu vraiment sa place dans le film? Est-ce que c'était ce film qui était vraiment nécessaire? Par après, on enchaîne, c'est Hulk. C'est pas Hulk, c'est Thor, pardon. C'est juste que, ça, y a un mot qui ressemblait, c'est Thor, c'est Doll. Le premier Thor, c'est Doll. C'était extrêmement plate à regarder. Ça. Mais encore une fois, c'est pas le pire. Oh, j'y viens. Ça s'en vient. Oh, tu vas voir. Après ça, on a Captain America, qui est un de mes préférés, un de mes petits chouchous. J'adore ce film, j'adore le côté années 40 assumé. Ouais, ça a bien été fait, ouais, c'est ça. C'est un des. Qui assume plus le côté comic book de la chose, c'est vraiment comme, s'il est réaliste, on s'en fout, il y a des lasers des années 40, puis oui, pourquoi c'est pas. Ça. C'est vrai. Après ça, c'est le chef-d'œuvre du MCU, Avengers. Avengers. Avengers. Je suis allé voir ce film au cinéma avec mon père et j'avais 8 ans. Ah, c'est j'avais 8 ans, regarde. Littéralement ou... Non, pas, j'avais, pas quand t'avais 8 ans. Pas littéralement, pas, dans l'âge mental. Le film est sorti en 2012. C'est ton âge, mais... J'avais 8 ans. Mais oui, oui, Avengers, j'avais 8 ans dans ma tête en regardant ça. Je sautais quasiment sur mon banc, puis mon père avait l'air d'avoir aimé ça aussi, même si c'est pas un triple de film de super-héros, mais il vient les voir avec moi parce qu'il aime ça me faire plaisir. Oh, c'est bon, c'est-tu gentil? Ah, mais oui. Après ça, l'après-Avengers, c'est là que le plus gros problème de Marvel c'est commence. Ça, tom. Oui, parce qu'après ça, Marvel avait la difficulté à... OK, on a placé l'univers, maintenant, ils se connaissent tous, sont dans Avengers, mais après ça, on fait quoi? On recommence à faire des films solo, OK, sauf que l'univers est plus ressenti ensemble. C'est là que j'arrive avec Iron Man 3. Oh! C'est pas ta série préférée, ça, je pense. Hein? Le premier est le seul bon? Le premier est le seul vraiment bon Iron Man. Moi aussi, j'ai trouvé. Ouais. Iron Man 2 est encore passable. Je le réécoute des fois, puis je suis comme, oh, ça passe, mais Iron Man 3... J'ai déjà dit, et je maintiens toujours, je préférais me retaper la saga Twilight en entier que de réécouter Iron Man 3. C'est difficile, là. J'explique... Un homme qui shine au soleil versus Iron Man. Mais j'explique pourquoi, parce que la source de Twilight, je sais de base qu'elle est mauvaise. Ouais. Donc, c'est moins énervant de regarder ça, parce que je sais que c'est pas bon ce que je regarde. Ouais. Iron Man 3, ça peut être tellement bon. Tes attentes étaient élevées. Mes attentes étaient tellement élevées, je regardais la bande-annonce, et où j'avais hâte surtout que le grand méchant d'Iron Man, le mandarin, était enfin là. Et ce qu'ils en ont fait, c'était une joke. C'était, dans le film, c'était littéralement une joke. Ce n'est pas vraiment le mandarin, je suis un comédien, que c'est lui le vrai méchant de la gang, puis moi, je suis juste un comédien qui est sous pendant que... Joué par Robert Pattinson. Non, ce qui est frustrant, c'est qu'il était joué par Ben Kingsley, qui est un des meilleurs acteurs à Hollywood. Puis je regardais ça, puis quand on voit l'acteur qui fait le mandarin dans le film, qui sort des toilettes, qui... brasse sa jaquette, feu, ça pue, elle est pas là-dedans. Oui, c'est une des scènes qu'on apprend que là, le mandarin est pas vrai, puis on voit ça, je suis comme, non. Fait que quand tu disais que t'avais 8 ans au cinéma, ils considéraient que les gens avaient tous 8 ans pour ce genre de scène. Hein, probablement, ouais. Puis après ça, on le voit qu'il est avec des bières, puis il regarde le soccer, puis il est comme, puis il y a des gars. Hey boy! Iron Man 3, c'est le premier film que j'ai failli sortir de la salle. Ah ouais. Je suis pas sorti pour la simple et bonne raison que j'étais avec ma blonde de l'époque et j'aurais trouvé ça un peu plate de la laisser dans la salle. Surtout que c'était moi qui conduisais. Tu reviendras me rejoindre dans le show. T'avais acheté une nickel à popcorn, fait que ça se mange. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. À moins qu'il était déjà mangé jusqu'à ce temps-là. Mais déjà que le film me faisait plus ou moins triper, mais jusqu'à ce moment-là, il m'a perdu totalement. Wow. J'avais a été écrit, ça a été approuvé, tourné. Ouais, c'était bizarre. Ça, le pire, c'est que ça a été prouvé par le studio. Et après ça, Marvel a dû se reprendre avec un court-métrage. Ah, pour vrai? Hey, j'avais jamais su ça. C'est une joke, non? Ce n'est pas une joke. Non. Sur le Blu-ray de Thor 2, il y a un court-métrage qui s'appelle All Hail the King. On suit le comédien qui faisait le mandarin en prison, qui s'est fait interviewer par quelqu'un, où il raconte sa vie d'acteur, ce qu'il a fait, comment il est arrivé au mandarin. Et à la fin, on voit l'intervieweur qui sort un gun, qui lui pointe sur la tête, et on voit un tatou des 10 anneaux qui est la vraie secte du mandarin pour dire il y a quelqu'un qui t'a pris l'identité et qui est vraiment frustré après toi en ce moment. Donc, le vrai mandarin existe, mais vous le verrez jamais. Ouais, c'est ça. C'est essentiellement ça. C'est pas vraiment mieux, finalement. Non. C'est pas vraiment mieux. Ça a été vraiment... C'est comme mettre un band-aid sur une plaie ouverte. C'est exactement. Il se creuse, c'est pareil. Je le trouve pas mal. Ouais, c'est ce qui t'est arrivé. Ce qui fait que mon intérêt pour Marvel a commencé à diminuer à partir de ça. Parce que j'ai jamais été capable de réconcilier ça. Il y a eu des très bons films. Avengers 2, je l'adore beaucoup. Captain America 2, je l'aime beaucoup, malgré ses quelques petits défauts, dont la caméra qui shake dans les films d'action. Ah, c'est gossant, ça. Pourquoi on peut pas apprécier une scène d'action bien filmée? Ça nous met pas plus dans l'action. C'est ça. On dirait une musique plus de l'époque des années 90. Exactement. Oui, je connais ce référent. Un petit caméo de Véronique Cloutier. Oui, mon Dieu. Attends, Angelina aussi qui était là dans le temps. Je veux tellement un caméo de René Cloutier. Elle est tellement big. Oui. Hollywood, appelez-la. On attend juste ça. Et comme je disais, Marvel a pas fait pas d'impact dans ses films. Justement, dans Iron Man 3, on kidnappe le président. Captain America se présente pas. C'est sa job, protéger les États-Unis. Le président, pas important. Et dans Captain America 2, le SHIELD se fait détruire et non, pas personne qui est là, on s'en fout, c'est pas grave. Puis dans Thor 2, Londres se fait attaquer par des extraterrestres. Dans Avengers, quand des extraterrestres attaquaient, tout le monde était là. Thor 2, c'est Londres, on s'en fout, c'est pas grave. Écoute, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, un vol direct. Wow. Ce qui fait que Marvel a pas vraiment d'impact sur ses films, mis à part les films Avengers, où ils sortent ensemble. Ouais, ils sont une petite troupe, là, et ils s'en vont au cinéma. Il y a du copinage là-dedans. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui sortent ensemble? Tout ensemble, mais Hulk et Black Widow, c'est sous-entendu qu'ils auraient peut-être à m'amener... Multi-ethnique. Un vert et une russe. C'est ça. Ça sonne quasiment comme un film de Woody Allen, ça. Un vert et une russe. C'est automne sur Amazon. C'est vrai que Manchester by the Sea. Mais maintenant, j'enchaîne avec DC. DC. Alléluia, DC, mon amour. Ouais. Oui, j'ai vraiment grandi avec DC, avec Batman Forever. Mes parents me faisaient écouter aussi la série de Batman des années 60. Ah, ça c'est bon. Oui, ben oui. C'est la seule affaire de super-héros que j'ai vu de ma vie, c'est Batman des années 60. Ouais. Ça explique beaucoup de choses. Tellement. La quétainerie de ta vie est expliquée par ça en ce moment. Pow! Ouais. Mais DC ont pas autant de films, ont beaucoup de rattrapage à faire. Yeah. Ceci, c'est dû par le fait que en 2005, Batman Begins est arrivé. Après ça, 2008 avec The Dark Knight. Puis ça, The Dark Knight qui a été qui est excellent, qui a été une explosion. Puis s'est dit, on garde ce Batman-là pour au moins un autre film. Puis Christopher Nolan était très clair là-dessus, c'est que ce Batman ne va jamais dans une Justice League. Oh. Ah, c'est correct. C'était très catégorique là-dessus. Si vous voulez que je continue, vous mettez jamais ça avec un autre super-héros parce qu'il s'en va. Okay. C'est ce qu'il dit. Ouais. Ce qui était quand même, c'est quand même relativement bien, c'est son intention de création. Puis j'ai rien à lui reprocher là-dessus, c'est à lui, c'est à lui. Sauf que l'affaire, c'est que justement, ça a retardé beaucoup DC, qui au départ voulait faire un film Justice League en 2010. Ouais. Mais qui a été retardé par la grève des scénaristes qui est arrivée avec Hollywood. Donc, Se répéter dans les prochaines semaines. Qui pourrait se répéter. Et. Ouais. Pas avant le mois de novembre. Justice League est au mois de novembre. Fait que... Ah, ton Twitter, il dit-tu que c'est en train de se passer? Non, c'est tout en courant. Je suis Zack Snyder sur Twitter. Puis aussitôt qu'il sort une image ou un trailer, puis t'es mieux de me le dire parce que. Je suis mieux de pas m'en rien manquer. Mais oui. Donc, après ça, DC avait essayé de faire un autre départ pour un Cinematic Universe avec Green Lantern. C'était pas le meilleur, ça. Faux départ, DC. C'est pas grave. On oublie et on recommence avec Man of Steel. Qui est un meilleur départ. C'est pas nécessairement le meilleur Superman. Non. Mais c'est un de ceux que je préfère. Pourquoi? Parce que là, on sent vraiment les impacts dans le monde. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'il y a un impact direct. Donc, justement, les pleins de morts qui sont arrivés dans la catastrophe qui est arrivée avec Metropolis dans Man of Steel, qui a un impact direct sur Batman contre Superman. Ah, on aime ça. Okay. Beaucoup diront que c'est trop rapide de mettre déjà Batman avec Superman. Mais en même temps, moi, je dis, on connaît Batman. Ouais, c'est on ça. On connaît le personnage. Mais c'est pas le même Batman. Est-ce que ça, c'est supposé être le même Batman ou ils ont changé d'acteur non, à ce moment-là? Non, ouais, ils ont changé d'acteur. Ouais. Mais c'était le même personnage, donc les référents de la précédente série restent? Ou? Non. Non, OK. C'est non. totalement repartir à zéro okay. parce que justement, Christopher Nolan, il dit c'est hors de question ouais, que ma série que... se transporte avec un homme qui vole. Pour lui, c'était hors de question. Quoique, mmh. c'est Christopher Nolan qui a produit Man of Steel. Ah, donc, c'est ça, quand même drôle, ça. A passé bien proche que ce Superman ne soit pas dans Justice League, mais Warner Brothers, en fait, c'est parce que... ta gueule. Okay. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu te calmes, là. Ouais, ben, c'est ça. T'as pas tout le pouvoir du monde. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est ça qui, c'est ce qui est arrivé. Et justement, amener Batman, est-ce trop rapide? Je dis que non. On connaît le personnage. Oui, ça part une nouvelle série, mais en même temps, refaire un autre film de Batman avant de repartir, ça coûte cher et ça prend du temps pour quelque chose qu'on connaît déjà. Exact. Et je pense que dans Batman contre Superman, ils ont bien installé l'univers de Batman qu'il y avait déjà, un Robin qui est déjà mort, un Batman qui est plus vieux, qui est dans genre début cinquantaine, qui a l'air d'être totalement tanné de sa vie de super-héros. C'est personnellement mon Batman préféré. Ah, c'est ça. Oui, j'ai... Oui, c'est parce que ce Batman est inspiré de la bande dessinée de Frank Miller, de Dark Knight Return, mm-hmm. qui est d'une violence extrême, mais qui est crue et vraie. C'est exactement ce Batman. Dans la BD, ce Batman-là était retraité depuis 10 ans. Ça avait 10 ans qu'il avait arrêté d'en faire, puis à un moment donné, il finit par revenir. Mm-hmm. Mais exactement dans cette optique-là de « je te brise les os, je pourrais te tuer, je m'en fous totalement, ouais. je veux juste que ça arrête. » Donc, ils ont pris ce Batman-là, qui est un choix tout à fait audacieux quand même, mais que beaucoup de monde aime et que moi, j'adore personnellement. Ben Affleck est le meilleur Batman, je l'ai dit! Wow! Oh! Là, ça va faire controverse. Je l'ai dit! Oh, ouais! Hein? Controverse! Oh, il a pas été de main morte, là! Non, jamais! Ben Affleck, le non. meilleur Batman! Ben Affleck est le meilleur Batman. C'est le premier... Oh! C'est le premier acteur que je vois dans un film de Batman que je dis « c'est Batman ». C'est pas oh, un ouais. gars dans un suit... C'est Batman. Christian Bale avec la grosse voix cancéreuse. Ouais, hey, c'était pas beau, ça. C'est vrai. Mais aussi, juste... quand il parle, il avait tout le temps la bouche ouverte dans ma... C'est vrai. Ce qui donnait un peu l'air d'un imbécile. T'as raison là-dessus. Je ouais, sais, pas je fou. Sais. Je sais. Ben Affleck, j'imagine pas en tant que bon acteur, mais OK. Mais c'est parce que là-dedans, il marche. Mais c'est parce que Matt Damon le dit... Batman, c'est pas un personnage non, qui demande une grande étude psychologique. Ouais. C'est pas un rôle qui va te donner un Oscar. Puis je suis tout à fait d'accord. Faut que t'aies l'air blasé, non, pas mal. Faut que t'aies l'air blasé. Tout le monde est mort autour de toi. Oui, c'est ça. Faut que t'aies l'air blasé, puis Ben Affleck, il est bon là-dedans. Ouais, ben il est tout c'est le vrai. Temps, fait que tu sais. Exactement, mais c'est un... Jennifer Lopez n'est pas dans le film, par contre, pour Jennifer venir lui faire le... Non, malheureusement. Ouais. Le ballon, Ben, il avait été très bon aussi dans Daredevil dans le temps, là. Oui. Ah. T'sais, genre, quand il y a un masque sur la tête, ça fonctionne bien. Le problème avec Daredevil, c'est pas Ben Affleck, c'est le script. Oui, c'est ça, c'est le script qui est un petit peu mauvais. Et le titre en français aussi, Daredevil. Ouais, Daredevil. Ça marche pas. Oui, mais ça, tu peux pas traduire. Au moins, ils l'ont pas traduit littéralement le casse-cou. Oui, c'est ça. Le casse-cou. Ah, tu sais, on fait l'homme araignée, puis tu sais. Ouais. Il y en a des titres en français, des fois. Batman. Non. Ben, pour les films de super-héros, c'est plutôt rare en tant que tel. Ben, mettons, quand, à part les, non, les quatre fantastiques ouais. qui vont traduire, mais. Le truc avec la fourmi, c'était quoi Ant-Man. C'était Ant-Man, mais en je pense que c'était Ant-Man pareil. Ouais, c'est pas. Ant-Man. Green Lantern, c'est quoi? C'était la Green Lantern pareil. Ah oui? La Lanterne Verte. Ouais. Ouais. Les Super Copinos. Ça fait vraiment nerd, ouais. Ouais, ben, c'est, ouais. C'est ça le problème. C'est pas spiky. Mais en espagnol, ils le font tout le temps, tu sais. Ouais. On dirait que c'est plus beau en espagnol, je sais pas. Ben, peut-être. Ça sonne toujours mieux. Parce que ça sonne exotique à tes oreilles. El Green Lanternos. C'est ça, exactement. Je sais comment ça se dit en espagnol. Je suis désolé pour toutes les personnes que j'aurais pu offenser. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais. Universitaire, là. Oui, c'est ça. Au pire, ils se porteront plainte à moi personnellement. C'est ça. Et je reviendrai pas l'an prochain faire de chronique expressément pour ça. Mais oui, DC, la façon qu'ils font pour leurs films, c'est on fait un film qui vont unir les autres ensemble. Justice League sort en novembre, qui va amener Aquaman, Flash ou Wonder Woman, Cyborg, qui est un choix intéressant au lieu, mettons, d'un Green Lantern ou d'un Martian Manhunter, qui est juste un martien vert qui a tous les pouvoirs du monde. Ouais, c'est ça. Et un Superman qui va revenir d'outre-tombe, parce que si ceux qui ont vu Batman contre Superman se souviendront qu'il meurt à la fin, ceux qui l'ont pas vu... Le film est sorti il y a plus d'un an, il était temps que vous le voyez. Là. Si je voulais spoiler, c'est pas mon problème. Exact. Maintenant, si vous l'avez pas vu là, c'est que vous vouliez pas le voir. Donc, c'est ça. Ils font un film qui va les réunir avant pour créer de l'intérêt. Parce que, généralement, on pense à Aquaman. Mm-hmm. Est-ce que tu vas voir un film d'Aquaman solo avant de l'avoir non, vu avant? Non, pas tout. Ça m'intéresserait genre non. zéro. Si je te dis que c'est Jason Momoa qui fait Aquaman. Ok, je vais peut-être y aller. Mais tu vas, c'est ça, tu vas avoir l'occasion de le voir dans Justice League et tu vas voir... S'il y en a qui ont vu la bande-annonce, vous pouvez voir que Aquaman est sur le top de la Batmobile pendant que Batman la conduit. Non, mon Dieu. C'est magnifique à voir. Wow. Le petit nerd en moi a capoté. Ouais, c'est ça. T'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Ce qui est très drôle, c'est que c'était mon moment de bonheur de cette journée-là parce que c'était le jour des funérailles de ma grand-mère. Oh. C'était comme Batman full blasé. Ouais, c'est ça. On est mort. Mais Aquaman! Mais ça a été mon bonheur de la journée, ce qui fait que je peux arriver là trop blasé encore. Mais nos sympathies. Mais merci ouais, beaucoup. Merci beaucoup. Mais je veux pas vous parler de ça. Bonheur, amusement. Mais il devrait déchirer ses cartons. Ouais, c'est ça. Il ah, le fait pas. Il y a pas de caméra. Fait non, il y a pas de caméra. Ça a pas d'impact. Je vais juste taper très fort sur la table. C'est ça. Mais aussi ce que je préfère de DC, c'est qu'ils font pas juste un simple divertissement. Ils amènent aussi une certaine réflexion. Il y avait dans Batman contre Superman, tu peux réfléchir sur plein de choses. Il y a une certaine métaphore sur un homme très puissant sur Terre qui peut rappeler comme Jésus qui était là. Mm-hmm. Ça, c'est un gros défaut de Man of Steel, c'est qu'ils mettent vraiment d'en face Superman, c'est Jésus. Ouais, Superman, c'est hein? Jésus. C'est comme. Arc. Calmez-vous. Il y a une scène dans une église à un moment donné, puis il parle à un prêtre, il y a une image de Jésus en arrière. C'est comme la subtilité n'est pas le fort de Zack Snyder. Non, en effet. Waouh. Mais autant que je fais des compliments d'ici. Il y a Suicide Squad. Suicide Squad. T'as pas aimé? Le pire, c'est que j'ai aimé, okay. Mais je sais que c'est pas bon. Ah, OK. Parce que j'ai un amour inconditionnel sur DC, donc j'apprécie voir les personnages vivants à l'écran, mais je le sais que c'est profondément mauvais ce que tu m'offres. Mais qu'est-ce qui est mauvais? Le scénario okay. est... tellement cliché, c'est encore ouais. un laser qui monte dans le ciel pour détruire l'humanité. C'est vrai, hein? C'est totalement ça. Est-ce que t'as vu ce que j'ai rien ce vu de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, fait que je suis perdu, mais j'essaye de comprendre. Ok. T'essayes de comprendre. Mathieu, t'as du rattrapage à faire, hein, en termes de super-héros. Le nombre de films que j'ai vu dans ma vie, ça se compte sur genre deux mains de quelqu'un qui t'a amputé un peu. Ça va pas bien, parce que pourtant, les séries télé, c'est ton fort. Ouais, je sais. Ouais. Commence à rattraper ça. Ouais, c'est ça, exactement. On va faire une liste de recommandations par où commencer. Suicide Squad, tu seras pas là. Mais c'est ce que j'ai besoin de commencer par où, parce que si je commence au début puis que c'est pas bon, je vais me tanner. Il faut que je commence par quelque chose qui va vraiment me. Mm-hmm. Faire bam, ça c'est bon. Mais comme ça, tu reviens en avant. Si tu veux commencer par Marvel, commence par Iron Man, puis ça t'installe toutes les bases de l'univers. Mais même pas toutes les bases, ça commence avec quelque chose, donc t'es pas. Trop submergé exact. De. Oh mon dieu, il y a tout le monde trop qui d'informations. Est là. Ah, c'est ça, pas ouais. trop d'informations. Parce que si tu commences par Avengers, ça va faire. Ok, ils se connaissent de où. Ouais, c'est il fait ça, quoi? Exactement. Pourquoi? Tu vois, j'aurais eu tendance à penser qu'il fallait commencer par celui où tout le monde est ensemble. Non, que non. J'ai... non c'est Iron pas. Man. Justement, c'est Marvel. On fait un film solo sur chaque et après ça, on les réunit. DC font comme un film sur Superman, Batman contre Superman, Wonder Woman qui va sortir cet été. Ouais. Après ça, Justice League. Après ça, vous verrez Aquaman, Flash et Cyborg et Green ouais. Lantern qui va venir plus tard dans le futur, jusqu'en 2020. Tu vois, d'ici, j'aurais commencé par Wonder Woman parce que... Parce qu'être prêt. Tu préfères ouais. au niveau des ben, tu peux y aller au cinéma cet été. Oh. Ouais. Je fais une pub pour ma compagnie. Sans la nommer, c'est une excellente pub. Ouais, sans la nommer. Je suis sûr qu'ils m'enverront un chèque à Ramney. Là. C'est ça. Oui, donc, Suicide Squad, c'est le gros problème de DC. Parce que DC, Warner Brothers... ont reçu des mauvaises critiques de Batman contre Superman, mm-hmm. dû par le fait que c'était pas comme un film Marvel, c'était pas un film popcorn divertissant. C'est vrai. C'était un 2h30 où t'avais à réfléchir et il y a une scène de combat de Batman contre Superman et elle dure 8 minutes à 2h du film. Okay. C'est vrai, c'est vraiment long avant qu'il se batte. C'est très long, mais avant, c'est un combat psychologique qui oui, se passe. Oui, exact. Parce que j'ai vu le film 5 fois au cinéma. Ah bon? Oh boy. T'avais 8 ans. À chaque fois que je l'ai regardé. La dernière fois que je t'allais voir, j'étais seul dans la salle. J'étais seul avec moi-même. J'étais comme... Oh wow. Il se posait les mêmes questions que les deux personnages. Ton père est pas allé la 5e fois. Ben, c'est parce qu'il m'a amené le voir en IMAX à Québec le jour de la sortie. Donc, je pense qu'elle tentait pas de le revoir. Donc, c'était une belle, c'était une belle sortie de mon père. C'était pour être une surprise, mais ma mère m'a un peu vendu le punch. Ah. Parce qu'il m'a dit « réserve-toi cette journée-là, ton père t'amène faire de quoi? » Ah, OK. Puis elle m'a pas dit quoi, elle m'a dit « Mais là, quand tu t'en vas à Québec, ça me dit « Oh, non, bon, ça va à Québec. » Fait là, je commençais à m'en douter un tout petit peu. Mm. Là, le fait que le matin, quand je suis parti, j'ai mis mon t-shirt de Batman contre Superman. Ton père, pourquoi m'a regardé... tu mets le chandail, là? Mon père m'a regardé dessus le sein, je suis comme « Un petit peu. » Un petit peu. Un tout petit peu. Son père était tellement tanné d'aller avec lui à tous les films qu'il lui a de fait comme cadeau à sa plus récente fête. C'est celle-là, c'est la dernière. C'est beau, c'est correct, on arrête. Maintenant, meurt. Il n'y a pas intérêt parce que je vais le forcer. Ah, c'est ça. Mais parce que mon père est allé voir Suicide Squad aux États-Unis. Oh. Parce que mon père est travaillé aux États-Unis pour Marmen, qui ont ouvert une nouvelle shop au Dakota du Sud. Là, c'est du placement de produits. Placement de produits pour Marvel. Si vous voulez vous faire faire des éoliennes personnelles, avec allez chez Marmen. Mais oui, j'étais allé aux États-Unis, puis j'ai dit, va voir Suicide Squad. Parce que moi, j'avais aimé, j'ai trouvé ça le fun, puis je sais que mon père, c'est pas le plus grand amateur de cinéma pour lui, c'est genre, c'est bon, c'est pas bon, je m'en fous. Ouais. Suicide Squad, c'est rentré dans le, je m'en fous, c'est pas bon, c'est bon. Moi, ouais, c'est fun. Il regarde ça, là, puis. Tu le regardes une fois, tu le regardes pas. Ben, il l'a regardé l'autre jour chez nous quand il passait, okay. Quand il passait à la télé, puis il a vraiment regardé. Il riait aux jokes qu'il y avait. Ah oui, bon. C'est parce que le problème, c'est qu'avec les mauvaises critiques de Batman contre Superman, ils se sont dit, ah, mais là, le monde n'aime pas ça quand c'est trop dark, ok? Fait qu'on va mettre des jokes dedans. C'est vrai. Ok, on va mettre des jokes. Puis, ah, ils ont aimé la bande-annonce, on avait Batman Rhapsody, on va mettre plein de tunes dedans. Ah! Ok. Ils voulaient tout faire pour tout le monde, mais ça finit que c'est dilué à mort. Ben, ça finit que. Le pire, c'est que la compagnie qui a fait le montage de la bande-annonce avec Bohemian Rhapsody s'est vue confier le montage final du film à une compagnie de montage de bande-annonce. Hein? Ouais. C'est pas parce que t'es capable de faire 3 minutes que t'es capable de faire 3 heures. Ce qui fait que la bande-annonce est meilleure que le film. Non? Ouais. Ben, essentiellement, c'est un peu ça. Si tu regardes le film, t'es comme, mais ça va pas là. C'est pas, tu sais que c'est pas supposé être là. Exact. C'est pas dans l'ordre, genre. Ben, c'est parce que tu sais qu'il y a un plan où le personnage de Will Smith, Deadshot, provoque un des gardiens. Puis le gardien dit, qui se dit, oh, tu vas regretter ce que tu viens de dire, puis il s'en va pour le battre. Sauf là qu'il y a une scène où il bat le prisonnier. Sauf que là, Will Smith, il se retrouve, il y a un chandail maintenant et une veste. Ouais. Ah, ok. Ben voyons. Ouais, les scènes sont comme pas. Pas de continuité finalement. C'est ça. Il y a une continuité qui est relativement drôle à checker. Ah, ouais. Ça m'intéresse juste pour ça. Comme, il était où votre assistant réalisateur? Ouais. Clairement, il a pas assisté au montage. il était pas disponible. Non, c'est ça. C'est ça, un des gros problèmes d'Hollywood en général. Oui, exactement. Le réalisateur n'a pas de mot final sur le montage, ce qui est quand même triste. Aussi, quelque chose que le monde reproche à Suicide Squad, c'est Jared Leto en Joker. Ah oui? Oui, mais ouais, moi, je l'adore personnellement. Mais ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'est qu'il y en a d'autres qui disent que on dirait qu'il se force trop, mais c'est ce que je pense que le monde compare avec Heath Ledger. Ouais, c'est je pense trop c'est frais pour dans ça. La mémoire. Là. Mais Heath Ledger nous avait tellement donné un Joker qui était... fou. Sombre. Ouais. Ça a comme été le premier sombre qu'on a vu, tu sais, qui était à la manière de Heath Ledger là, dans ses films. C'est sûr, c'était le premier Joker qui était dark. Exact. Parce qu'en avant, mettons, on avait vu Jack Nicholson qui était un peu dark, mais à la façon que Jack Nicholson et Tim Burton peuvent le faire. Mm. C'est qu'il va parler à un cadavre puis il va trouver ça très drôle. C'est ça, Personnellement, j'adore ce moment-là pour ça. Heath Ledger, c'est pas mon Joker préféré. Non. Voilà, je l'ai dit, j'ai pas encore la controverse. En plus, Ben Affleck est le meilleur Batman, puis Heath Ledger, pas un bon Joker. C'est ta dernière chronique aujourd'hui. Là, ça va faire. Ça, je dis, je mets toute la controverse, c'est ma dernière anyway. Il peut pas venir réfuter la semaine prochaine. Mais quoi qu'il y en a un qui est revenu des morts dans l'histoire. C'est vrai. C'est ça. Superman. Mais qu'est-ce que t'aurais préféré de bord de Jared Leto? Jared Leto, ce que j'aimais, c'est le côté gangster, c'est le côté plus Joker que Heath Ledger n'avait pas. Ok, ouais, je suis d'accord. Ce qui fait que je regardais ça. C'est pour ça que j'ai apprécié le moment. Ouais. Ben, donc, le monde n'a pas apprécié Jared Leto en Joker. Fait que là, Warner Brothers sont comme, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas bien nos affaires. Seule chose que je peux dire à Warner Brothers, laissez vos réalisateurs faire. Oui. Mon Dieu, paniquez pas pour rien. Marvel font leurs choses, puis vous faites les vôtres. Vous allez faire des millions de dollars quand même. Arrêtez de comparer, là. Vous avez même pas les mêmes super-héros. Ben non. Mais au moins, tu sais, Jared Leto a marqué les esprits d'une façon ou d'une autre. Ce que les méchants de Marvel ne font pas tout le temps. C'est vrai. Les méchants de Marvel sont plates, à part Loki et Kilgrave dans Jessica Jones, la série Netflix que je vous conseille tous de regarder. C'est d'un délice, je me suis tapé la série en une semaine, même pas, parce que... On peut pas commencer par ça, j'imagine. Il faut connaître un petit peu ou... Il explique bien? Ben, sur Netflix, c'est pas si pire. Va faire une recherche Google sur Jessica Jones avant d'écouter Wikipédia, la série, Avant les spoilers, t'arrêtes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est difficile de pas voir de spoilers dans ces séries-là, parce que tout le monde parle de Jessica Jones. Ouais. Tout le monde parle de ces séries-là. Ouais. Une des raisons pourquoi je n'écoute pas Game of Thrones, parce que tout le monde parle de Game of Thrones. Ben oui, tu sais, je suis déjà qui meurt. bon, ben, ah, je suis au courant, je connais des références, j'ai jamais écouté. C'est ça, c'est ça. Je suis capable d'en parler sans même l'avoir écouté. Non, ben, c'est ça, tu sais, Jon Snow, il revient à vie, là. Oh oui! Ouais, je savais aussi. C'est... ceux qui ne savaient pas, là, comment. Allô. C'est ça, là, vous étiez en retard. Si Dumbledore! Moi, je... non. C'est ça, Dumbledore arrive à m'amener. Donc, oui, Marvel, les méchants sont poches. Oui. C'est vrai, hein, par contre. Ouais. Ouais. C'est un aussi des gros problèmes que je reproche à Captain America 3, Civil War. Ils sont méchants et inutiles. Mais inutiles! Ils disent que là, ah, oh, c'est lui qui a parti la guerre. Non. Ce qui a parti, c'est un combat que les Avengers ont fait en début de film. Lui, ça a juste. C'est un grand hasard que ça a réussi à tout ça donner de même. Un dommage collatéral. Ouais. Ouais. Tu sais, beaucoup de monde reproche au Batman contre Superman le passage de Martha. Qui est le passage où on se rend compte que Batman et Superman ont le même... ont le même... C'est que leurs mères ont le même prénom. Oh. Ouais, ouais, exact. Ah. Fait que là, ça fait comme un lien de... C'est que Batman fait comme... Fuck, qu'est-ce que... Fait que je suis rendu parce qu'il était sur le bord de tuer Superman. Ouais. Et la mère de Superman est en danger pendant ce moment-là. Et Superman, c'est juste de dire, va sauver ma mère. Mais ça sort... save Martha. Uh-huh. Fait que là, Batman est juste comme... Pourquoi tu dis Save Martha? Pourquoi tu dis ce nom-là? Ma mère est morte, va chier. Ça va pour la tuer, puis genre, là, t'as Lois Lane qui sort de nulle part, comme c'est le nom de sa mère! Oui, il sort vraiment de nulle part. Ah, ouais. Ouais. Elle sort d'un hélicoptère. Mais ils n'ont pas la même mère, là. Ils n'ont pas la même mère. Le même prénom de mère. Mais le même prénom. C'est pas des demi-frères. Non. Mais non. Mais ça a déclenché dans le cerveau de Batman un genre, ok, je suis sur le bord de tuer quelqu'un, alors je m'étais promis de jamais faire ça. Puis ça fait comme. Juste parce que sa mère s'appelle pareil comme la sienne. Ben oui. Il y a eu un flashback, tu connais Batman, et genre, on parle de ses parents comme ça. C'est automatiquement, il retombe en. Il retombe. Il avait 8 ans. Il avait littéralement 8 ans quand oui, ça oui, vraiment. C'est vraiment ça. Dans la série Justice League, dans la série animée de Justice League, Batman disait m'amener personnellement, mon enfance s'est arrêtée quand j'avais 8 ans. Oh, wow. Mm. Donc, tu vois, tout est lié. Toi aussi. Je suis Batman. Ah. Je suis Batman. La lumière qui sort du ciel ouais. Pour l'appeler. Exact. Donc, le monde reproche ce moment-là, sauf que dans Civil War, il y a un moment qui est relativement similaire, parce qu'on apprend que le soldat de l'hiver, qui est l'ami de Captain America, a tué la mère d'Iron Man. Là où il était sous le point de se réconcilier, Iron Man pète une coche et se met à battre Captain America et le soldat de l'hiver, tout simplement parce qu'il a tué Sam Mumbo. Non! Ouais. Même s'il essaie de dire « Ouais, mais il était pas lui, il était hypnotisé, je m'en fous, il a tué ma maman. » Donc, si je regarde ça, faites « Really, là, vous reprochez ça à ça, puis ouais, ça passe, genre, ok, fine. » Si vous le dites. Ouais. Ouais. C'est Marvel, des fois, c'est ce qui m'énerve, des fois, c'est que le monde pardonne beaucoup à Marvel sans qu'ils prennent la peine de penser que, ben, ils font aussi pire que DC sur certains points, et DC font aussi bien que Marvel sur certains points. Mais donc. C'est parce que je pense que les gens qui vont voir les films de Marvel s'attendent pas nécessairement à vouloir avoir une continuité dans l'histoire qui étaient les personnages de Marvel. Ils veulent juste être là avec leur popcorn puis apprécier le film de... Mais c'est ça, des fois, la continuité de Marvel est tellement weird. Mais c'est ça. Tu te souviens que tu ressors d'un Captain America 2 qui introduit le soldat de l'hiver, puis après ça, il rajoute une autre parcelle dans Civil War. T'es comme, non, ça, c'était pas là. Pour mettre en contexte, il y a comme un cahier avec des mots précis qui va déclencher le soldat de l'hiver. Sauf que dans Captain America 2, ce passage n'est pas présent, alors que ce film est un peu centré sur lui. Mm-hmm. Donc là, qu'il l'amène dans un film qui n'est pas centré sur lui, ça mêle un peu l'univers, puis on sent que vous suivez pas ce que vous faites vous-même. Non, c'est les ça. Mêmes réalisateurs, puis ils sont pas consistants avec eux autres. Okay. DC place leur univers vraiment à l'avance. Comme, ok, Flash existe depuis un moment, il fait ça, il est là, son ennemi c'est telle personne. Aquaman est là, c'est peut-être lui qui aurait sauvé Superman, qui a renvoyé des baleines dans Man of Steel à m'amener pour le sortir de l'eau. Ah. Ils mettent des théories partout, puis ils placent des affaires. C'est plus pensé, réfléchi. Mais c'est plus pensé parce que c'est Zack Snyder qui place absolument toute la timeline. Ouais. C'est que Marvel, oui, ils ont comme... ils ont Kevin Feige, qui est genre le président de Marvel Productions, qui est là pour placer, mais on sent qu'il fait pas bien sa job. Okay. Parce qu'il fait comme, ah ben, oh, on va mettre un film là. Ah, oh, ça fait marche pas ensemble. Bah, c'est pas grave. On va mettre un court-métrage pour s'excuser après. Écoute, n'a pas de problème. Ouais. Maintenant, pour l'avenir des films de super-héros, ouais. Oh, oui. Ça s'étend jusque où? Ça finira jamais, ça. Il y a pas de fin à ça. Steven Spielberg a dit que les films de super-héros sont comme les westerns de l'époque. Ah. Un jour, ça va diminuer. Ah ouais. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est vrai? c'est la mode qui est là, c'est ce qui pogne, puis ils en font beaucoup pendant que ça passe, puis c'est bien correct, moi je m'en plains pas. T'sais, on a passé des débuts années 2000, années 90, que t'avais un film de super-héros par année, puis fallait pas que tu le manques. Là, on en a 8. Ouais. Puis tu choisis lequel tu vas voir, puis des fois t'as pas le temps de toutes les voir. Fait. Mais c'est ça, l'avenir. DC a des plans jusqu'en 2020, pour le moment, mais qui se rajoutent autant des films entre. Donc, il vient de recruter le réalisateur de Avengers 1 et d'Avengers 2 pour faire le film de Batgirl. Ah, ok. Ouais, c'est quelque chose qui lui tentait depuis un moment d'aller faire un film avec DC. Il voulait faire un film de Wonder Woman à l'époque, mais le studio a dit « Non, le monde n'est pas prêt pour Wonder Woman. » Je pense que c'est plus le studio qui n'était pas prêt pour Wonder Woman que le public en tant que tel. Et justement, ils ont recruté Joss Whedon pour faire le film de Batgirl. Oh, wow, cool. Oh, okay. Et les fans de Marvel ne sont pas contents. Ils le considèrent comme un traître en ce moment parce qu'il va dans l'autre compagnie. Ah, ok. Oui, ouais, parce que Joss Whedon a dit non pour Avengers 3. Ça ne voulait plus le faire parce qu'Avengers 2 l'a brûlé. Mm-hmm. Le studio a brûlé Joss Whedon. Ils ont brisé le roi des nerds. Ah, oh, mon Dieu. C'est triste. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On en pleure un peu tous à jour. Oh. Mais Marvel ont des plans de films seulement, juste pour les films, jusqu'en 2028. Ça compte pas les séries télé potentielles. Ça compte pas les séries télé qui se rajoutent. Ça compte pas les courts-métrages. C'est beaucoup trop. Trop loin, ouais, hein. C'est ça. Parce que Marvel avait eu la bonne idée de faire ça par phase. Après la phase 1, qui s'est terminée avec Avengers, ils ont placé le gros méchant de l'univers, qui est Thanos, qui est un maître galactique ultra-puissant qui va réussir à réunir les pierres d'infinité pour détruire l'univers. Les pierres d'infinité qui sont placées dans toute la phase 2. Des fois, tu sens que c'est placé là juste parce qu'il en faut une. Ouais, c'est ça. OK, on en place une. C'est un scénario McGuffin un peu que Hitchcock était habitué de faire. Mm-hmm. Mais après ça, Thanos arrive dans Avengers 3, qui arrive en 2019, qu'est-ce que tu fais pour les 10 autres années qui restent quand t'as brûlé le plus gros méchant de Marvel? Ouais, c'est ça. Y a plus rien qui va avoir d'impact. Ça va être film par film. Ça va être film par film, et encore une fois, ça va être, lui se connaît, ils vont se dire bonjour, mais puis ça n'aura pas d'impact, ouais, ils vont se battre, puis Civil War 2 avec un autre Iron Man, un autre Captain America, on sait pas ce que Marvel. Oui, ils vont faire comme avec les Spider-Man, ils vont le réinventer. Ils vont rebooter à chaque fois. Mm. Oui, d'ailleurs, c'était un bon point que Marvel a réussi à faire, c'est avoir les droits de leur Spider-Man. Oui. Parce que ça, les droits de Marvel en plus. Ouh. Les droits d'X-Men appartiennent à Fox, les droits de Spider-Man appartiennent à Sony, mais ils ont fait une entente avec le MCU pour qu'ils laissent apparaître des films des Avengers, mais c'est encore Sony qui ont encore les droits des films solo. Oh wow. Les droits de Hulk des films solo appartiennent à Universal, mais il y a le droit d'apparaître des Avengers. C'est pour ça que Hulk va être dans Thor 3, parce que ils peuvent pas faire de films solo parce que Universal veulent pas. Aïe. Puis c'est tellement compliqué l'histoire de droits. C'est pour ça qu'il y a plein de monde qui me demande pourquoi Spider-Man t'es pas dans Avengers, parce que Marvel avait pas les droits. Pourquoi Wolverine est pas là, parce qu'ils ont pas les droits, ils peuvent pas le faire. Puis là, Hugh Jackman vient de se retirer en Wolverine. Est-ce que Fox va rebooter la série d'X-Men juste pour mettre un autre Wolverine? Je pense que le public n'est pas prêt pour ça. Non, je pense pas. S'ils étaient pas prêts pour un autre Joker, ils sont pas prêts pour un autre Wolverine. Tu peux pas, non. Mais ils vont le faire quand même, non? Non, pas tout de suite. Pour le succès potentiel. Attendez 10 ans, genre. Faites en sorte que tout le monde oublie que c'était lui. Mais même dans 10 ans, on n'oubliera pas. Ça fait depuis 99. Exact. Depuis 99 que Hugh Jackman fait le même rôle. Tu sais, d'après moi, il arrive chez eux le soir, puis il se prend lui-même pour Wolverine. Il se rase avec ses griffes. Exact, avec ses griffes. Ça ferait beaucoup de sens. Oui. Ah. Tout ça pour dire que le super-héros, c'est fantastique, mais mon Dieu que c'est compliqué quand t'arrives pas à suivre Mathieu Plante. T'as beaucoup de rattrapage à faire. Je suis rien. Je pensais que t'allais connaître ça beaucoup plus que moi. Ben non, c'est toi qui connais ça, Tania. Mais une chance que t'étais là pour. Ça fait plaisir. Toi, tu me serais parlé tout seul. je me sentais comme dans mon univers quand j'étais jeune. Je peux commencer par un premier de chaque bar, puis on verra après. Ouais. Okay, c'est bon? Ouais, c'est bon. Mais si tu veux des recommandations, commence par Marvel avec Iron Man. Tu commences avec Iron Man, c'est léger, t'as pas besoin de te casser la tête, mais c'est tellement bon à regarder. Mm-hmm. Après ça, tu peux suivre un peu, tu peux regarder l'incroyable Hulk si tu veux voir il en est où dans son parcours à lui. Sinon, regarde la phase 1 de Marvel au complet. La phase 1, je vais sur Wikipédia, je tape la phase 1. La phase 1 consiste à Iron Man, l'incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America, puis Avengers. T'en as déjà pour un bon bout. Ouais, c'est pas pire. Assure-toi d'avoir vu toutes les Batman. Ben oui. Ouais, c'est comme une référence. As-tu vu les Batman de Christopher Nolan? Deux, je crois. T'as vu justement... J'ai vu juste Dark Knight et l'autre après, je crois. Dark Knight Rises? Ouais. OK. Ouais, bon. C'est ça. Bon, là-dessus, c'est bien. Ouais. Puis, du côté de DC, si tu veux suivre les films actuels, tu peux rattraper en masse. Il y en a juste 3 sorties jusqu'à maintenant. Fait que tu peux regarder Man of Steel, Batman contre Superman et Suicide Squad si tu veux être à jour vraiment. Mais tu peux skipper Suicide Squad. Ouais, c'est ça. Tu peux skipper Suicide Squad, là, tu vas comprendre pareil. Suicide Squad, tu peux le regarder, puis tu te dis, OK, je vais. Je décroche en ce moment, je m'amuse en riant avec le film ou du film en tant que un tel. Un des deux, ouais. C'est un film popcorn et liqueur. Là. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Faut pas que tu te casses la tête là-dessus. Autant que dans Batman contre Superman, sur 2h30, tu peux te questionner, puis t'es comme, oh mon Dieu, OK. Puis ça, le questionnement, Suicide Squad, c'est genre, t'as un gars qui lance des boomerangs. Un des personnages, c'est Captain Boomerang. Captain Boomerang, ils sont pas cassés à la tête, eux autres, hein? Captain Boomerang. Non, Captain Boomerang, mais... Ouais. Oh, Monseigneur épée, aussi. Monseigneur épée. C'est un personnage qui est tellement le fun, Captain Boomerang. C'est un Australien, en plus. C'est le cliché. Ouais. Mais il assume totalement ce côté-là. Puis c'est un des grands méchants de l'univers de Flash, en plus. Ah ouais. Oui. Wow. Hey, j'ai des choses à rattraper, mais oui. Je vous en donne des nouvelles si ça arrive un jour. C'est bon, ça. Parfait. On te réinvitera en direct de où est-ce que tu t'en vas, Samuel Fortin? Je m'en vais probablement vers Saint-Hyacinthe à l'école de théâtre. Saint-Hyacinthe, félicitations, il a été accepté à l'école de théâtre. Félicitations. Oui. Merci beaucoup. C'est le fun de t'avoir pour une seule et unique chronique. Oui, c'était un J'ai vu un spécial extraordinaire. Oui, mais vraiment, on a super goût, mais ça, c'est. Mais au moins, tu nous as laissé. C'est une édition limitée, là, tu sais. C'est là que ça se passait. Ouais. Il nous laisse sur notre fin. C'est comme un numéro de collection. Pareil. Il est mint. Samuel Fortin, il est mint. C'est oh, ça. Merci, ça. Tu penseras, là, on a tout le reste de la semaine avant de s'en aller, nous autres. Ben, parfait, ben, merci beaucoup. Merci. Samuel Fortin, on ne le présentera pas plus que ça, il est fini. Il s'en va, tu sais, il nous abandonne. On va. C'est pareil. Ah, oh, nous autres aussi. Avant de se quitter, on va juste écouter une petite pièce parce que finir là, ça serait plate un petit peu. Ouais. On va écouter une pièce de super-héros presque. Voici Black Magic. Ça a du sens? Ça va être ça. Ty Segall, puis on vient se dire au revoir à Assemblage Rocky jusqu'à la France. Save us all. C'était Ty Segall avec Black Magic à Assemblage Requis. C'est là-dessus qu'on va terminer l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, hein, Tania, on aurait aimé ça parler de Marvel et DC pendant encore des heures de séries My télé. My God, on aurait pu faire ça pendant des heures. Mais ça donne quand même qu'on doit sacrifier ta chronique, Tania, et on la remet à demain. Oui! De quoi tu vas nous parler demain, donc? Demain, en fait, je vais vous parler de la même chose que j'étais censée vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'un concept musical qui fait son entrée de plus en plus en Amérique du Nord, mais qui était connu pas mal plus dans un autre pays avant ça. Donc demain, je vous donne tous les détails par rapport à ça. Génial. Demain, l'émission aussi. Mardi, on va avoir la chronique de David Ferron, la carte bleachée. Donc ça se passe demain entre 6h30 et 9h30 sur nos ondes. Plus tard aujourd'hui, c'est la session entre deux sessions. On n'est plus vraiment en session printanière. On n'est pas du tout en session estivale. Mm-hmm. Donc pour l'instant, je vous annonce seulement rock classique à midi et rock de neurone à 20h. Mais est-ce que c'est le cas pour Rock de Neuron? On n'en sait rien. C'est FFCR pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. À demain, 6h30. Bye, Tania. Merci. Bye. Bon café, tout le monde. Bonne viennoiserie.